Ici Maxime Tremblay de l'Épée Légendaire. Bonjour et bienvenue au podcast de Mac Québec. 20 piastres. Bonjour et bienvenue au podcast Mac Québec. Nous sommes mercredi le 24 avril, il est 22h16 et vous écoutez le podcast Mac Québec, comme mon ami Maxime Tremblay l'a si bien dit en introduction du show. Avec moi, en fait, en studio pour animer, j'ai Jean-François Roy. Ça va bien, Jean-François? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci beaucoup. Fatigué, mais ça peut aller. Et se joint à nous en remplacement de Vincent, et probablement en fait à titre permanent maintenant, Jean-Michel Boily, rédacteur à Mac Québec. Bonsoir Alexis. Bonsoir, ça va bien? Oui, très bien, merci. Oui, et on a un nouveau jouet à Mac Québec, on est super contents. On a une ligne pour nous rejoindre en studio et peut-être se mériter un fabuleux T-shirt. Non, la partie T-shirt, c'est pas vrai, on n'a pas les moyens. Mais vous pouvez nous rejoindre en studio, le numéro de téléphone partout au Québec, sur la planète et même dans cette galaxie. C'est le 1-877-561-2357. 1-877-561-2357. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitter. Vous pouvez nous poser vos questions sur Mac Québec Entraide, nous écrire à Podcast Mac Québec, nous laisser des commentaires sur le podcast à l'intérieur de iTunes, aller sur la page Mac Québec Facebook. En tout cas, c'est pas comme si vous ne pouviez pas nous trouver quand vous nous cherchez. Oui. Non, rien. Ben, Pierre. Qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce qu'il y a, là? Non, c'est beau, c'est correct. On vient de terminer un concours qui a très bien marché pour une carte de 50$ sur iTunes. Et là, on a un petit concours, là, quelque chose de bien gentil. C'est sûr que c'est pas aussi hot qu'une carte de 50$ sur iTunes. C'est seulement un iPad. Et c'est en collaboration avec Hybe qu'on fait ça. Donc, vous allez sur la page de Mac Québec, vous trouvez la page concours, je pense qu'il est sur le Facebook aussi. Et puis, vous n'avez qu'à faire un « j'aime ». Petit fait à noter, on a reçu les commentaires et on va les rapporter à Hybe, mais la page de Hybe n'est qu'en anglais pour l'instant. Ils en seront avisés, puis ils vont probablement développer très rapidement une page francophone. Il était supposé faire une annonce aujourd'hui à ce sujet-là, je pense. Je pense que c'était le 24 avril, la date. Là. OK. Ouais, sinon, 24 ou 27. Ouais, quelque chose de même. Surveillez leur blog dans les prochains jours ou aujourd'hui. Excellent. Sinon, on a lancé il y a quelques jours une campagne de financement parce que, vous le savez, on est pauvre, on est bénévole. Oui. Autant les rédacteurs sur Mac Québec que les gens qui animent le podcast, on retire, à part du fun, là. Pas grand-chose de ça. Ça nous a même coûté de l'argent, ouais. des fois. Là. Monter à Québec à 120, stationner là-bas, c'est pas faisable. des contraventions. Pogne une étiquette aussi. Pogne une étiquette. Et donc, on a lancé une campagne de financement qui s'appelle purement et simplement « Envoyer Mac Québec au WWDC ». Le Worldwide Developer Conference. Oui. On sait maintenant, en fait, que... parce qu'on a lancé la campagne en prévision du fait que ça s'en venait. Et on sait maintenant que, un, l'événement aura lieu le 10 juin. On sait aussi que les billets seront en vente demain sur le site d'Apple. Et on a deux heures pour acheter des billets. Ouais. Ça va être mis en vente à 1 heure demain. On a 2 heures pour acheter des billets parce que après ça, c'est fini. Et on peut vous dire actuellement que... On est capable, on a ramassé assez de sous, je ne sais pas si c'est inscrit sur le thermomètre, là, mais on a ramassé assez de sous pour entrer. Donc, on est capable d'acheter un billet pour une personne et on a tiré à la courte paille et c'est Vincent qui a gagné. Donc, c'est lui qui va aller là-bas. En fait, ça a plus d'allure que ce soit lui que n'importe qui d'autre, vu qu'il est un petit peu développeur. Mm-hmm. Donc, il va se faire un max de fun là-bas. Puis c'est un de ses rêves, en plus, d'aller à San Francisco. Dès qu'il est arrivé au show, c'est une des choses qu'il nous avait raconté. Il n'a pas été. Puis il n'a pas été. Puis je trouve ça vraiment cool que ce soit dans le cadre de Mac Québec qu'il puisse y aller. Donc, à date, on a un billet pour rentrer là-bas. Oui. Mais. On n'a pas de billet pour sortir. On n'a pas de billet pour y aller. Oui, pour se rendre. Donc, soit qu'on se met à gang puis qu'on le swing à San Francisco. Ou on paye une tank de gaz. Oui, c'est ça. Comme. Vas-y, un jerrycan, mon gars, là, tu trouves ce qu'il faut pour aller là-bas. J'ai vu du monde rouler en unicycle aujourd'hui à Montréal. Je sais pas si tu peux... En tout cas, pars tout de suite. Moi, j'ai suivi sur le pont Champlain en venant de moto du Vermont. Donc, si quelqu'un a réussi à s'en venir du Vermont jusqu'à ici, en moto? Quelqu'un est capable de s'en aller d'ici, de Montréal, jusqu'à San Francisco. Il a dû broyer sa main quand il est rentré au Québec. Il a dû avoir bien de la misère. Et parlant, en fait, de nous envoyer au WWDC, ben si on peut acheter un billet, c'est parce qu'il y a deux partenaires qui ont décidé d'embarquer avec nous dans cette folle aventure, parce qu'il faut le dire, c'est la première fois qu'on envoie quelqu'un. Mac Québec a eu 8 ans le 1er avril. Mm. Ça fait 2 ans qu'on couvre les événements, ouais. Grosso modo. Et on les couvre quelque chose. On les couvre solides. Solide. Oui, une belle grosse couverture. Ouais. Moi et toi, on va être à Montréal. Ouais. J'ai essayé d'y aller à San Francisco, mais là, le montant était assez élevé. Fait qu'on va être ici, on va organiser la couverture. Puis, on va donner des 30 sous à Vincent qui nous appelle de là-bas parce qu'il ne pourra pas le faire par Skype. Vous oubliez ça, il n'y aura pas de bande passante. On a un numéro de téléphone. Il nous appellera il va nous appeler, va nous appeler au 1-877-561-2357. Et vous pouvez appeler en studio. Donc, le premier commanditaire, on les remercie, c'est Vidéo Sex Plus. Et ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils ont autour de 13 boutiques à travers le Québec, soit à La Salle, Châteauguay, Saint-Jean-sur-Richelieu, Longueuil, Saint-Hubert, Repentigny, Joliette, Trois-Rivières, Saint-Alphonse-de-Grimbé, Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe et Drummondville. Et en fait, ce que Vidéo Sex Plus voulait, c'est qu'on fasse un espèce de dossier sur l'utilisation d'un iPhone dans le cadre de jeux coquins, disons. Oui, exact. Donc, dans les prochains jours, il va avoir... en fait, dans le prochain mois, il devrait avoir un dossier qui va être mis de 3 articles, si je ne me trompe pas, sur Mac Québec à propos de jeux coquins avec l'iPhone. En anglais, ça fait « Set your iPhone to fun ». J'ai pensé à ça tout à l'heure, c'est tellement cheesy. L'autre partenaire qui se joint à nous, c'est Reptile Tech. Donc, c'est une compagnie de développement de sites web que vous pouvez retrouver au Reptile Tech, reptiletech.com. Ils font du développement de communauté, développement de sites web. Et leur propre site web est très joli, vous pouvez aller voir. Donc, je pense, je ne sais pas encore, on vient de nous dire en fait qu'ils ont embarqué. On ne sait pas encore totalement qu'est-ce qu'on va faire avec eux, mais on vous tiendra au courant. Il va y avoir un article d'ici vendredi sur Mac Québec à propos de cela. Sinon, messieurs, on est rendu à la portion kudos de notre semaine. C'est un segment qui nous permet en fait de sortir un petit peu du monde d'Apple pour aller varger sur d'autres ou pour leur dire, ben écoutez, félicitations, on est bien content de ce que vous avez fait, c'est très intéressant. Je vais te laisser, Alexis, je vais te laisser te vider le cœur. Ben ouais, moi c'est un coup de dose assez solide là, tronqué. J'écoute. En fait. Comme je viens de le dire, on a fait un bon segment là-dessus. On a lancé notre campagne « Envoyer Mac Québec au WWDC ». Sur la page macquebec.com/WWDC, on explique en fait pourquoi on veut aller là-bas. On offre la possibilité, en fait, c'est pas qu'on quête du cash, c'est qu'on offre la possibilité aux gens, vous nous connaissez, ça fait 2 ans qu'on fait ce type de couverture-là. Est-ce qu'en plus de la formule qu'on a actuellement, vous seriez intéressé à nous permettre d'envoyer quelqu'un là-bas? C'est un anane pour nous, on se comprend, oh, c'est le fun, c'est pas obligatoire, c'est juste intéressant. Et il y a Yves Trottier, si je me trompe pas, oui. Qui a posté sur Cyberpresse pour dire, bon, ben belle initiative, nous encourager un peu. Et il y a un cave, un imbécile, mon ami Benoît Mercier dirait un geek anal, un un fouteur de merde, là. Tu sais, comme un. Un mange-marde. Ah oui. Solide. Monsieur Jacques Meilleur, on le salue s'il est à l'écoute, qui est allé poster un commentaire complètement inutile, vraiment plate, qui dit moi aussi, je veux y aller au WWDC. C'est-tu fini le monde qui veut se faire payer des voyages gratis? On s'entend qu'on ne demande pas d'aller comme faire du surf sur la plage à San Francisco. Là. On s'en va couvrir un événement et on vous le propose. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Il n'y a personne qui vous tord un bras pour aller sur le bouton de don. Mais juste comprendre que ben, tu as une vie, toi. Mm-hmm. Puis toi aussi, Jean-Michel. Mm-hmm. Puis Jonathan qui est avec nous ce soir pour faire la job sur le Twitter puis dans le chat. Puis moi, j'ai deux enfants. Puis j'ai une business. Puis... c'est du temps bénévole qu'on met là-dessus. Tu sais, comme le site web, là, les articles, le monde qui travaille là-dessus, là, ils font ça gratis. Ils reçoivent... combien tu me disais que tu avais de nouveaux followers, GM? Environ un par jour ou par deux jours. Là. Hey, ça vaut vraiment la peine, tu sais, de se taper le cul pendant des heures à faire des articles puis essayer d'informer le monde puis tout ça. Fait que je trouve ça vraiment dégueulasse, en fait, que quelqu'un se permette de... penser qu'on essaye de se payer des vacances sur le dos du monde. On s'entend qu'on ne deviendra pas millionnaire. On a demandé 6 000 $ considérant qu'on envoyait deux personnes là-bas. Là, on est super content, on va pouvoir en envoyer un. Mais sérieux, arrêtez d'être négatif de même. À chaque fois qu'il y a un commentaire poche de même, je veux dire, un commentaire constructif, les gars, dans votre podcast, le son est à l'affaire, vous utilisez trop de termes en anglais, vous n'êtes pas pertinent, vous n'avez pas vérifié l'information. Je m'en fous, comme c'est correct, puis on va faire des efforts. Puis moi, ce qui me motive à faire le podcast, c'est le fait que, OK, le dernier show, ça a bien été, mais il y a ça qui n'a pas bien été. Fait que là, tu sais, la semaine passée, on avait le numéro de téléphone. Là, Jean-Michel, cette semaine, est arrivé avec la boîte vocale. Fait que là, il y a toujours quelque chose qui s'améliore. Mais ces espèces de commentaires de débile mental, de sans génie-là, là, de ça fait juste foutre en l'air notre motivation. C'est juste plate de recevoir ça. Il y a du monde dans le chat en ce moment. Le Maxime Tremblay, il est à Rimouski. Là. Il n'est pas obligé de passer tout ce temps de malade-là à s'occuper de l'épée légendaire, à s'occuper de Windows Québec, à être partout à radio puis tout le kit pour informer les gens. On est des passionnés, on aime, on défend notre plateforme comme on l'a fait au Geekfest et on y reviendra il y a quelques semaines. Puis... On fait ça de bonne foi. Moi, je pense que le 80% de gens qui sont pas geeks, qui s'intéressent pas tant que ça à la technologie, ben ces gens-là, faut pas les laisser aller, faut pas les laisser à l'arrière sous prétexte que oh, ils s'y intéressent pas puis ils s'y connaissent pas. Faut aller les chercher, faut les intéresser, faut trouver le petit truc qui va les intéresser à la technologie. Puis en 2013, je suis supposé avoir un robot qui travaille pour moi, des chars volants qui passent par-dessus le trafic. C'est ça que je suis supposé avoir aujourd'hui. Puis moi, je trouve que des commentaires de débile mental profond comme ça, là, ben, ça nous empêche d'être en 2013. Fait que Jacques Meilleur, là, ben, en tout cas, pas fort. Coup de dose. Voilà. J'ai parlé du Geekfest. On est allé à l'événement. On a reçu JP Cardin il y a quelques semaines et on est allé à l'événement. Jean-Michel était là, JF est venu, Joe était là. On s'est vraiment amusé. C'était vraiment chouette. J'ai participé à la bataille des mobiles. C'est pas pour me vanter, c'est peut-être pas à moi de dire ça, mais je pense que je l'ai gagné. Renault, il parlait pas trop fort, je pense. Renault s'est bien défendu, les deux autres aussi, mais j'écoutais justement l'épée légendaire et FDL faisait remarquer que j'étais celui qui semblait avoir été le mieux préparé. En tout cas, si les gens s'entendent pas sur le fait que t'as gagné, il y aurait intérêt à s'entendre sur le fait que t'étais le plus motivé de la gang. Là, clairement. Surtout à la fin. Ouais. Toute notre gang, là, il est venu. Il y avait ses recherchistes là, en arrière-scène. Je me faisais... c'était super drôle parce que j'avais ma Pebbles puis les gars, ils étaient sur la table à côté parce qu'on faisait la diffusion et je recevais de l'information sur ma montre en temps réel. C'était comme iMessage sonnait puis là, j'étais... Ouais, c'est vrai ça. Puis je donnais l'info. Fait que on est arrivé préparé. Puis je pense que c'était vraiment intéressant. Puis on a bien pris notre place là-bas. On a fait une diffusion avec Stéphane Vaillancourt aussi en après-midi. Mm-hmm. Ça a été très plaisant. On a reçu en fait du beau monde, du bon ouais. monde. Il y a JP Cardin qui est repassé, Fred Harper qui est repassé. Mon coup de cœur, Benoît Chamontin qui est passé faire un tour. Et mon coup de cœur à moi, c'était la fille, elle s'appelait Marie-Ève, c'était la fille de douteux.org. Ouais. Marianne de douteux.tv. Ouais. Vraiment intéressante, hyper passionnée elle aussi. C'était bien le fun. Je vous invite donc à aller voir ce que produit douteux.tv. Ouais, c'était le fun de parler à du monde qui ne sont pas nécessairement reliés à l'univers Mac aussi. On a parlé à des gens de tout ce qui était représenté au Geekfest, là, pas mal. Là. Exactement. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Puis, c'est probablement des trucs qu'on va réitérer dans le futur. Oui. Sinon, messieurs, moi, j'ai ranté pas mal sur le coup de dose. Avez-vous quelque chose? Tu voulais pas. Ton coup de dose, c'était pas le nouveau Galaxy S4? Ah ouais, ben là. Demain, je m'en vais. Faut que je confirme encore avec Vidéotron, mes très chers amis de Vidéotron. J'ai été invité à une soirée pour le lancement du Galaxy S4 de Samsung Canada. Ben, si tu mets la main sur un téléphone, là, c'est ça que tu feras. J'ai une paire de... Tu le lanceras. Ouais, c'est ça. J'ai une paire de billets. Fait que ils étaient supposés m'envoyer un courriel pour me dire c'était où toutes les informations, mais ils m'ont pas rien encore envoyé. Je leur ai écrit sur Twitter, mais demain matin, ils vont me répondre. Là. D'après moi, il y a un gars dans le département, il a fait OK, lui, il était. Il a lu ma bio. Il a envoyé ton email, puis après ça, quand t'as posé des questions, le gars des médias sociaux, il a fait t'es ben cave, t'as pas envoyé ce gars-là pour vrai. Il va venir mettre le feu. Non, mais j'ai hâte quand même. Je vais voir. Ça va faire un changement des conférences qu'on a d'Apple, ces affaires-là, pour voir. Ça va ressembler un petit peu à la conférence de Yahoo Connect, probablement. Oui, parce qu'on avait été au vieux port. C'était ça aussi, c'était intéressant. C'était chouette. Il va sûrement avoir de la musique, puis bien du jaune là, sur les murs. Là, puis, ça, c'est clair. Des tablettes Nexus 6, ça. Ah, ça va. Peut-être, tu ne sais pas, peut-être qu'ils vont faire OK, on lance le S4, mais on va aussi avoir le nouveau iPhone. Ça serait cool. C'est-tu quoi? Je penserais pas. Non, peut-être pas. Samsung aimerait pas trop ça. Il y a plein de parties Samsung dans l'iPhone. Non, je sais. Pourrait faire la promo même. C'est sûr. Bon. On va commencer les nouvelles. On va commencer les nouvelles. Tiens, juste avant les nouvelles, je vais me laisser aller avec... 20$. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @macquebec ou en laissant vos commentaires dans la section podcast du site macquebec.com. Excellent. En regardant rapidement, on est 22 dans le chat room et il y a un pourcentage assez élevé de gens qui sont PC. Je pense à Maxime Tremblay qui tient Windows Québec et à Eric Paquin de OrdiGénie qui sont souvent là pour nous écouter. On vous remercie, les gars, de venir voir ce qui se passe de l'autre bord. On va commencer les nouvelles. Première nouvelle, vas-y donc. Vas-y donc, Jean-Michel. C'est toi qui vas être plus content de ça. Oui, c'est moi qui reste sur la rive sud. Alors, le prochain Apple Store du Québec ouvre à Brossard donc samedi à 9h du matin. Premier Apple Store sur la rive sud. C'est dans le Square au quartier 10-30, qui est le nouveau développement de magasin de luxe au quartier 10-30, là, finalement. C'est juste à côté là, du magasin Old Trend Fru, là, qui est le premier sur la rive sud. Moi, je trouve ça trippant, ce concept-là. C'est comme. T'arrives le matin, mettons, à 9h. Ouais. Hein? Mm-hmm. Puis tu vas magasiner, puis à la fin de la journée, t'atteins qu'elle est vide dans ton char. Parce que t'es comme. T'es allé à tous les magasins, t'as pas marché. Là, elle se vide encore plus que quand il faut que le monde sorte de là à 5h, parce que c'est un bordel quand tu sors de là à 5h. Je sais pas c'est qui a conçu les voies d'accès et les stationnements, et puis n'importe quoi pour se promener en voiture au 10-30, mais c'est le bordel. Allez pas là la fin de semaine. Allez pas là entre le 1er novembre et le 26 décembre. Allez là l'été, la journée, quand il fait super soleil, les gens se tiennent pas là. Mais c'est vrai, c'est un bordel à 5h la fin de semaine sortie de là. Elle est là un jeudredi, il n'y a personne. Oui, c'est ça. Mais bref, donc le magasin va ouvrir. On a posté on a eu des photos, on a vu beaucoup de photos. Mm-hmm. C'est le plus gros Apple Store au Québec, là, j'ai l'impression. Je ne sais pas la superficie comparée à celle à Montréal, mais c'est sur un étage. C'est soit aussi gros que celui à Montréal, ou sinon plus gros, là, j'ai l'impression. T'es pas allé à celui de Laval récemment? Je suis pas allé récemment, non. Il y a eu des rénovations à celui de Laval durant la fin de l'année, début de l'année, et ils ont pris le magasin qu'il y avait à côté. Donc, il est rendu vraiment plus grand. Mm-hmm. Beaucoup plus, la même profondeur, mais ils ont des tables pour essayer. Tu sais, les kits DJ qu'ils vendent avec, pour les iPads, les trucs comme ça. Okay. Tu peux tous les essayer maintenant là-bas. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant. Non, j'ai été dans toutes les Apple Store au Québec, là, mais je ne suis pas retourné à Laval là, depuis. Même Fairview Pointe Claire. Même Fairview Pointe Claire. Ouais. T'es allé là? Oui. J'ai jamais été au Fairview, moi, encore. Moi non plus. J'y ai été par curiosité. Je suis passé devant l'autre jour parce que je m'en allais à Vaudreuil-Dorion. Tu passes devant absolument. Mm-hmm. Puis j'ai pas arrêté. J'ai pas été. C'est bon. Mais par exemple, ce qu'il faut dire avec le 10-30 qui va arriver, c'est que ça va donner du lousse à Sainte-Catherine. Mm-hmm. Parce que là, la fin de semaine, ça non plus, c'est pas allable. Ou Apple Store, Sainte-Catherine. Surtout le Genius Bar, là, puis tout ça. Tout ce qui prend rendez-vous, c'est très difficile à voir au centre-ville. À Laval, tu peux avoir un rendez-vous là, la journée même. La journée même ou demain. Là, mais sérieusement, quelqu'un de la Rive-Sud, non. C'est pas qu'on aime pas Laval, là, mais c'est loin, là, se rendre à Laval. Il faut que tu sois décidé, il faut que ça presse, là, vraiment, le rendez-vous. En plus, avec le trafic à Montréal. Puis, c'est une bonne nouvelle pour les gens de la Rive-Sud. Mm-hmm. C'est moins une bonne nouvelle pour deux boutiques indépendantes qui sont sur la Rive-Sud. Dont une au quartier 10-30, même. Une au quartier 10-30. Le premier, c'est Mac Urbain. Mm-hmm. Eux, par contre, ils ont leur propre spécificité. Ils vendent du beau gadget, des trucs comme ça. Ont le service technique sur place, sur la Rive-Sud. Donc, ils peuvent. Et le technicien est vraiment très calé là-bas. C'est plus loin, c'est plus dans l'est de la Rive-Sud, là, c'est à Longueuil, là, sur le chemin Chambly. Voilà. Par contre, Inso Microboutique, en fait, qui est située là-bas, on a vu, en fait, les tentatives un peu. Mm-hmm. Ils ont fait des rénovations, apparemment. J'ai pas vu le nouveau magasin là, depuis les rénovations, mais on a reçu. Dans le Publisac, là, je ne sais pas jusqu'où ça s'est rendu la publicité, mais sur toute la Rive-Sud, on l'a reçu. Puis ils ont apparemment fait des rénovations, puis il y avait une grande vente d'ouverture la semaine passée. Moi, je suis pas certain que le magasin va rester là. Ils ont eu d'abord beaucoup de problèmes avec Apple directement parce qu'ils ne respectaient pas les standards d'affichage d'Apple. Ils ont essayé en fait d'avoir l'air d'un Apple Store. Quand c'est ouvert, le logo, c'était juste une pomme. Là. Moi, la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu la pomme installée, c'est « Wow, super, on va avoir un Apple Store juste ici. » Mais quand on passe en avant du magasin, on s'est vite rendu compte que c'était un revendeur Apple. Ça a duré 4 mois, là, la pomme, à peu près. Là, à peu près, ils ont changé ça pour la banderole. Le temps que ça se rende à Cupertino, qu'ils prennent le téléphone et qu'ils fassent « Hey, la pomme, tu l'enlèves de là. » L'autre chose, c'est qu'ils ont... Je ne sais pas c'est quoi l'état de ça, mais Microboutique, pour l'instant, a un service technique, mais ils n'en ont pas eu pendant un certain temps. Ils avaient perdu la licence de réparation. J'ai comme l'impression que le magasin ne va pas rester là longtemps. Là. Tu sais, à Montréal, moi, j'ai eu l'expérience, en fait, d'une boutique Apple avant que le Apple Store arrive. Mm-hmm. La boutique de Sainte-Catherine est arrivée. Et puis, la coop informatique existe toujours, mais elle ne fait pas que du Apple. Elle aussi, elle a son service technique sur place. Ils vont peut-être se recycler. Ils vendent déjà des téléphones Rogers, ils vendent des PC, ils vendent... La force des boutiques comme le Mac Urbain puis Microboutique, c'est qu'ils ont beaucoup d'accessoires qui sont pas nécessairement... qu'Apple n'aime pas nécessairement vendre dans ses boutiques, les protecteurs d'écran, les étuis qui respectent pas nécessairement la philosophie d'Apple, là. Exactement. Des trucs qu'on ne retrouve pas sur le Apple Store qui peuvent être le fun, petits gadgets, des trucs comme ça. Mm-hmm. Et souvent, ils ont une... en fait, à la coop, c'était comme ça. Là. On offrait en fait d'autres alternatives. Chez Apple, c'est comme ça, c'est « buy the book », c'est ce que j'ai appris. Alors que quand tu vas dans d'autres boutiques, ben ils vont te le dire que tu peux changer le disque dur facilement dans ton ordinateur. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, voilà. Ça fait pas mal le tour pour le 10-30. Il y a eu une petite mise à jour du App Store cette semaine. Est-ce que c'est ça, Jeff? Oui, il y a eu maintenant la fonction qu'on peut télécharger plus tard. Quand on achète une application, avant, il fallait la télécharger immédiatement. Oui. Mais maintenant, il y a la fonction. Apple a rajouté une fonction dans leur App Store qu'on peut télécharger plus tard. Comment ça se propose? Est-ce que c'est quand tu appuies pour commander? Ça marche-tu sur le téléphone? Je ne l'ai pas essayé. Ça le demande quand tu télécharges un gros fichier. Tu sais, il y a une limite de 50 megs là, sur une connexion 3G ou LTE. Admettons, si tu télécharges une grosse application, tu vas pouvoir l'acheter sur ton appareil, mais si tu es connecté sur une connexion 3G, ça va te demander « Voulez-vous la télécharger plus tard? » Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait la possibilité d'acheter une application. Mettons, tu es sur ton iPhone, Puis là, oups, tu lis des nouvelles. Puis là, ils disent, hey, application iPad gratuite ou whatever. Ouais. Ben, t'es sur ton téléphone, tu peux l'acheter. Ouais, là, ils vont comme pas. Juste la locker dans ton Apple ID. Là, tu peux pas parce que ton appareil, ben, il supporte pas. En fait, on dit application, mais c'est même pas pour les applications, je me rends compte. C'est pour les films, les émissions de télé, les season pass là, de la télé quand t'achètes une saison au complet. Mm-hmm. Les saisons de télé au complet achetées d'un coup, et puis les ensembles de musique, là, de, comme si vous achetez, je pense aux Beatles, qui vendent la collection en entier. Là. Oui. Si vous achetez ça, ils vont vous proposer de le télécharger plus tard, là, mais autrement, le message apparaîtra pas. OK. Mais c'est le fun, mais ce serait plus intéressant, en fait, comme je disais, pour avec le même appareil, tu peux tout acheter, puis... Plus tard, quand tu te retrouves sur ton ordinateur, ben là, oups, ça se télécharge. Donc, je le sais que c'est pas un iPad, là, c'est un iPhone que j'ai. Oh, oui. Laisse-moi le télécharger quand même. Là. Exactement. Ben, pas le télécharger, mais l'acheter. On a une nouvelle, en fait, qui c'est l'Antenna Gate qui fait encore parler de lui. Après donc. 5 ans? C'est iPhone 4. Donc, 2 ans? 3 ans? 3 ans. 3 ans? Ouais. Donc, l'Antenna Gate, on se souvient, en fait, que c'est un problème de réception du téléphone. Que le téléphone avait. C'était une nouvelle façon de fabriquer les antennes. C'était le cadre d'aluminium autour du téléphone. Et aux États-Unis, en fait, nous, on a moins vu, je pense, cet effet-là. Moi, j'ai souvent prétendu, en fait, que c'était le réseau qui était pourri aux États-Unis plus que autre chose. Et, bon, l'Antenna Gate, il y a eu un recours collectif contre ça. Ça vient de se terminer. Apple doit donner $53 millions. Dont 16 aux avocats, pour vrai, là, 16 millions aux avocats. Et en fait, les gens qui se sont déjà inscrits, il fallait que tu t'inscrives pour te faire rajouter au recours collectif, vont recevoir un gros chèque de $15 pour... C'est sûr qu'il y avait le droit de s'inscrire, c'est sûr qu'il n'avait pas déjà reçu un dédommagement pour ça. Là, on se souvient, Apple avait offert des bumpers, là, qu'il appelait, là, un petit contour là, en silicone là, pour le téléphone. Ça, c'était leur, mais il y avait aussi 2-3 autres cases d'autres compagnies qu'on pouvait commander grâce à la même promo. C'est ça, ceux qui ont reçu un de ces étuis-là n'avaient pas droit aux $15. Le $15, c'était pour ceux qui n'avaient pas choisi d'en recevoir les étuis. Donc, c'était la valeur, finalement, de ce qu'ils nous envoyaient, là, qu'ils pouvaient avoir en argent. Là. Je suis content parce que j'avais oublié de m'inscrire. C'est juste aux États-Unis. Est-ce que c'est possible? C'est au Canada aussi. Ça a été publié sur iPhone in Canada aussi, j'ai vu. OK. Excellent. Donc, en fait, Apple qui s'est fait prendre malgré eux, là, mais on sait qu'il y a eu des problèmes. Le gars qui développait les antennes à cette époque-là... Il y a une date limite au chèque, hein? Comment ça? D'habitude, c'est 6 mois un chèque. Oui. Mais ce chèque-là, il faut que tu l'endosses avant le 17 juillet. Ou le 16 ou le 17 juillet. Bon. Ils ont mis une date limite à l'encaissement du chèque. C'est parce que 15$, là, échanger le chèque, ben, c'est pas comme 4$. C'est pas 4,5$ en plus, échanger un chèque. Ben, c'est ça, parce que là, c'est US, fait que ça va prendre extrêmement plus de temps à ta banque de te le traiter pour qu'elle le cherche aux États-Unis. Oublie ça, ton 15$. Là. Prends le chèque puis déchire-le. C'est comme... Ou prends, garde-le. Pas... Va le faire changer chez InstaChèque. Encadre-le. Euh, 28 avril, dans 4 jours, l'iTunes Store va célébrer son 10e anniversaire. Donc, en 2003, le 28 avril, Apple a lancé le iTunes Store. Donc, iTunes existait déjà. Ça faisait bientôt 2 ans. Je pense que c'est en 2001 qu'iTunes est sorti. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, Jean-Michel? Ben, iTunes a publié une nouvelle page sur le iTunes Store. Là, c'est mis en avant là, quand on accède à la page d'accueil du iTunes Store. C'est une page qui fait juste finalement raconter là, les points importants là, de l'histoire du iTunes Store, là, les 10 années là, d'existence. Quand même. Il doit avoir un signe de pièce à côté de ça. C'est sûr qu'on doit avoir l'occasion d'acheter là, les chansons là, qui sont présentées. Je pense que j'ai lu Apple a remis à date $9 milliards aux développeurs d'applications qui ont vendu sur le App Store. Fait que si c'est 9 milliards, tu rajoutes un 30% à ça. Puis ça, c'est la portion qu'ils ont obtenue. C'est quand même assez impressionnant. Puis ça, c'est sans compter les chansons et tous les autres trucs. Et puis, dans l'histoire que Apple raconte sur iTunes Store, il n'y a aucune mention du service Ping. C'est à noter. Il y a un service qui est sorti cette semaine. C'est Twitter Music. Ah oui. Et j'ai lu cette phrase-là, puis je trouvais ça drôle. En fait, c'est ce que Ping aurait dû être, en fait. Parce que c'est un service où tu te fais proposer de la musique par tes amis. Donc, quand tu te logs dans Twitter Music, c'est ils regardent ton feed, les gens que tu suis, et ces gens-là, s'ils ont mis de la musique, ben tu as l'échantillon iTunes qui t'est proposé. Donc, ça te permet de trouver de la nouvelle musique. Moi, je ne sais pas pour vous, mais mes chums, je ne les choisis pas en fonction qui ont les mêmes goûts musicaux que moi. Donc, ce service-là est comme assez limité pour moi pour trouver de la musique. C'est sûr que tu peux te faire offrir de quoi, là, mais... Parce que tu peux te loguer pour écouter la... Parce que si tu l'écoutes comme ça, t'as... c'est rendu une minute et demie sur... C'est une minute et demie, Sinon, si t'as Radio, puis t'as quoi, là? L'autre service qui... C'est Radio. Songza. Bon, c'est ça, pour écouter la toune au complet. Au Groove Shark. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Mais Radio, je pense que c'est juste aux États-Unis. Non, Radio, c'est ici. Non, c'est ici aussi? Oui. Ouais. Aux États-Unis, tu as Pandora. Spotify. C'est les deux aux États-Unis. C'est les deux plus gros en plus. Mm-hmm. C'est un peu plate. Puis il y a des rumeurs comme quoi Apple arriverait. Là. Ils ont racheté Ils vont tous mourir. C'est clair, là. Ouais, ils vont se faire manger, effectivement. Mais ça dépend à quel prix est le... à quel prix est le truc, là, faut voir, mais... C'est plate à dire, Pandora, c'est un bon service, là, je l'utilise, là, via VPN, là, mais il est en difficulté financière, il perd de l'argent chaque année. C'est malheureusement le premier qui va partir, là, j'ai l'impression, là, c'est un des plus connus, c'est le seul qui est gratuit, vraiment, mais c'est le premier qui va partir, là, c'est sûr, et certain, avec les difficultés financières. Excusez-nous si nous voyez faire des ça de même, parce que... Oui, il y a des mouches. On est au sixième étage, puis on avait chaud un petit peu plus tôt, donc on a ouvert les fenêtres, mais bon, il y a des mannes derrière du bureau. On continue. Apple qui demeure totalement dominant, mais Amazon commence à gagner du terrain dans le domaine de la vente de musique en ligne. Donc, on le sait, le Apple Store, le iTunes Store est quand même le magasin le plus... qui vend lucratif. Le plus de musique. Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, aux États-Unis, sur Amazon.com, Amazon offre aux clients américains la possibilité d'acheter des chansons à l'unité là, en téléchargement. Là, À 99 sous. Sinon, souvent moins cher que ça, là, en compétition avec Apple. On se souvient, le lancement du dernier album de Lady Gaga. Ouais. Apple le vendait au prix standard, il était 11,99$, je crois, puis Amazon avait fait une promotion, il vendait 6$, je crois, ou quelque chose comme ça. Ils ont accepté de perdre de l'argent par album, parce qu'Amazon et Apple payaient l'album le même prix, mais Amazon le vendait beaucoup moins cher, dans l'espoir de faire connaître son service là, aux utilisateurs. C'est un bon move, mais c'est pas du dumping, c'est pas illégal de faire quelque chose comme c'est ça. C'est eux autres qui suivent à la perte, moi j'ai l'impression que non. Ils payaient le full price, fait qu'eux autres payaient juste 6$. OK. Ben, ils n'ont vendu, je ne sais pas combien. Ils doivent en avoir vendu en temps. Ben, Lady Gaga, moi. Ben, c'est ça. Est-ce que les clients d'Amazon sont les mêmes que les clients de Lady Gaga? C'est aujourd'hui qu'on savait si c'était un gars? De quoi? Ben, c'est la journée sans maquillage. Fait que ça devait être aujourd'hui, ça. T'es con. Mais sinon, depuis 3 ans, les statistiques disent qu'Amazon a gagné 13% de part de marché. C'est correct en même temps parce que, d'abord, les magasins de disques font quand même travailler de l'étudiant en masse. C'est sûr que j'ai l'impression que dans les années 70, 80, 90, on avait plus des vrais passionnés de musique. Puis là, c'était comme plus du monde qui chiquait de la gomme. Mais c'est probablement juste parce que je vieillis que je dis ça. Mais disons que c'était pas terrible là, les dernières années chez HMV et tout ça. Donc, c'est des magasins un peu comme les bons vieux clubs vidéo qui vont disparaître. Qui vont disparaître. À cause de la mise en marché des fichiers digitales. C'est correct en fait que Apple aide la compétition de ce côté-là. Ça encourage Amazon, puis éventuellement, peut-être que le service va traverser... de ce côté-ci. Est-ce qu'il y a moyen par VPN de pouvoir acheter de la musique sur Amazon? Oui, par VPN. Excellent. Ça prend même pas besoin d'avoir une carte de crédit américaine. OK. C'est aussi simple que ça. Le temps que tu as une IP américaine, tu vas pouvoir télécharger ta chanson. Take my money and shut up. Sinon, si vous ne connaissez pas le service Roam Mobility, vous devriez, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous allez le connaître parce que dans les prochains jours, il va y avoir une capsule Mac Québec qui va être diffusée, qui va parler un petit peu du service et de comment l'utiliser. Et en fait, cette compagnie-là, qui est une compagnie canadienne, je crois, Roam Mobility, va offrir des cartes NanoSyn à compter du mois de mai. Jusqu'à maintenant, en fait, les cartes qu'ils offraient, c'était des cartes SIM ou micro SIM, mais là ils vont offrir un format qui est compatible avec le iPhone 5. Et en fait, la capsule de Mac Québec, c'est une capsule qu'on a faite avec André Ducharme au début de la semaine et qui va justement parler de ça. Et on a découpé, en fait, parce qu'il y a moyen de couper la carte SIM. Avec un chopper. On a découpé, on a acheté un bidule, André l'a appelé le gizmout. Donc, on a acheté un gizmout sur l'Internet qui sert à couper la carte SIM. Puis ça fonctionne très bien. Donc, en fait, Roam Mobility nous dit on a payé des Chinois à couper le plastique autour de la carte à puce. Pas mal ça. J'espère qu'ils ne nous arriveront pas avec une nouvelle carte pour l'iPhone 5S. Il n'y a plus de plastique à enlever autour. Non, c'est ça. Fait qu'ils ne peuvent pas aller vraiment plus petit que ce qu'ils ont là. Prochaine nouvelle. Donc, Rogers qui lance un programme de bas prix garanti pour les smartphones. C'est quoi ça? Dans le marché du cellulaire canadien, il n'y a pas vraiment de compétition. Là. Fait que c'est plus, j'ai l'impression que c'est plus pour l'apparence là, que Rogers a fait ça, mais c'est un peu comme Future Shop ou Best Buy Off. Là, si le smartphone que vous voulez acheter est vendu pour moins cher chez un autre fournisseur, ben Rogers va vous l'offrir au même prix, là, finalement. Là, je sais pas, le prix. Je ne sais pas s'ils vont le battre, là, mais ils vont au moins accoter le prix. Ben, moi, je pense que si tu les appelais et tu disais TELUS a une promotion puis il fait 50$ moins cher, ils vont te le faire de toute façon parce qu'ils veulent que tu sois client. C'est rien c'est plus, pour eux autres. Cette nouvelle-là, c'est plus un coup de marketing. C'est là, pour plus l'officialiser. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, si vous êtes sur le marché pour regarder pour un téléphone, ben Rogers accoterait le prix Mais dans un sens, la compétition, la différence entre les fournisseurs, c'est plus sur le prix des appareils parce qu'ils offrent tous les mêmes forfaits, à moins qu'on regarde les forfaits en promotion. Là. Les forfaits de base sont pareils partout, c'est les mêmes options, c'est le même prix, ils annoncent leur nouveau forfait en même temps. À part chez Vidéotron, là, ouais, mais les appareils sont pas comparables de toute façon. Là, mais Puis les gérants sont tombés sur la tête. Ouais. Ben oui. C'est bien beau leur forfait à 55$, là, mais 3 gigs. Là. Même pas mal. Je paye 60. Non, mais 3, attends une minute. 3 gigs pour nous autres, c'est pas assez. Là. J'étais à 10 gigs, vous êtes à 6. Pour la plupart des gens, c'est amplement suffisant, par contre. C'est pas. Quoi qu'avec l'iPhone 5, moi j'aurais. En fait, le 3 gigs, c'est comme le nouveau 1 gig quand un iPhone 5. Ou un appareil LTE, là, en général. Ouais. Le nouveau MS Office pour Mac arriverait au printemps 2014, la version iOS à l'automne 2014. C'est sur Mac Rumors, donc ça a pris du temps en tabarouette de sortir. Si c'est vraiment ça qui se passe, là, version Office pour iOS. C'est ce qui serait prévu. Là. Ça fait longtemps là, qu'on voit là, des screenshots, là, entre guillemets, là, d'une possible application Microsoft Office pour iOS. Mais il n'y a jamais eu plus de rumeurs que ça. Ça fait longtemps qu'on entend parler. Ça doit être une application qui est demandée. Il y a plusieurs personnes. C'est clair, en fait, pour avoir une compatibilité avec les documents Office, les logiciels. Page le rouvre. Oui, mais des fois, ça ne garde pas nécessairement la mise en page. Il peut y avoir des petits problèmes. Ça ne comprend pas les macros. Les gens qui sont sur la route vont avoir des fichiers Excel ou des fichiers database. En fait, il y aurait même probablement un logiciel de database relié à Access. L'autre truc important dans cette nouvelle-là, c'est que le nouveau Office arriverait au printemps 2014. Et ce qu'on sait, c'est que si on s'abonne donc à Office 365, on a un an de mise à jour. C'est $99 et on a un an de mise à jour. Donc, moi, je dirais, si vous achetez votre Office 365 à partir de juin prochain, vous devriez être correct pour la version 2014. C'est offert pour Mac, Office 365? Oui, fonctionne, puis on peut le télécharger. On se l'est fait offrir par Microsoft. Yeah. On l'a essayé, ça fonctionne très bien. Et donc, ça veut dire probablement, nous, on ne sera comme pas admissible. T'sais, on va tomber, on l'a eu au mois de février. Fait qu'on va être juste comme en arrière. Ouais. Les gens qui l'achèteraient, puis c'est $99 par année. Ouais. Mais tant que tu es abonné, tu as le droit aux mises à jour. Puis mettons que tu arrêtes de t'abonner, mais tu as quand même les logiciels dans ton ordinateur que tu peux utiliser. Mais de quelle mise à jour tu parles? Ben, c'est-à-dire, mettons tu l'achètes maintenant. Ouais. Là, ce que tu vas télécharger, c'est la version 2011 de Office, parce que c'est celle-là qu'il y a. Mm-hmm. Mais l'année prochaine, mettons, ils sortent au mois de mai. puis toi, t'es dans la période, ils sortent, ben, tu t'en vas sur le site de Office 365, puis tu télécharges la version 2014. C'est comme une mise à jour qui est gratuite, si tu veux. Alors qu'avant, il fallait la payer, là, ton upgrade, fallait que tu le payes. Mais ça revient à combien par année? C'est combien? C'est 99$ par année. OK, donc tu sauves 40$ à peu près par rapport à acheter la boîte. Là. Mais ça, mettons, là, si tu t'abonnes à Office 365 la journée que Office 2014 sort, ouais. Tu vas payer ton 99$ par année là, pendant quoi? 3 ans? Là, le temps qu'il sorte une nouvelle. Là, tu vas avoir payé plus cher que le prix. En fait, ce qu'il faudrait vérifier, c'est ça. Mais je pense que si tu l'as payé et que tu as téléchargé les logiciels ils vont fonctionner dans ton ordinateur même si tu n'es plus abonné. En fait, ton Office 365, il te donne du Skype, il te donne du SkyDrive, il te donne des trucs comme ça, puis okay. Il te donne droit au téléchargement. Mais le logiciel, une fois que tu l'as dans ton ordinateur, il me semble qu'il est il est comme à toi. Ah ouais. Si je me trompe pas. Je suis pas sûr que tu aies les mises à jour ou quoi que ce soit, là, mais il me semble. Faudrait vérifier. Voilà. Ils nous ont sorti un App Store chinois qui permet d'installer des applications piratées sans jailbreak. Y a-tu quelqu'un qui vérifie si ça marche? Ça prend une adresse IP chinoise pour avoir accès au site. Est-ce qu'on a accès à un VPN chinois au Canada? Strong ça, VPN là. Ça existe j'ai pas... VPN chinois pour te sacrer à l'intérieur du China Firewall? Apparemment, oui. Aïe, Strong VPN a un serveur à Hong Kong. J'ai pas accès avec mon compte, avec le forfait que j'ai. Il faudrait prendre un forfait premium. C'est super ça, les gens qui vont me demander « Oui, j'aimerais ça faire sécuriser ma connexion Internet pour les enfants. Ah, m'a t'installé ça, moi. M'a sacré dans le firewall chinois. » La première question, c'est « Est-ce que vos enfants parlent chinois couramment? » Effectivement. Le mandarin, oui. Est-ce que vous êtes rouillé? Mais fait qu'il n'y a pas personne qui l'a essayé. Vous n'avez pas pu l'essayer. Moi, je n'ai pas essayé. Quand j'ai essayé d'avoir accès, le site est en maintenance, mais... Ça fonctionnerait parce que c'est un mode de distribution. C'est le même mode de distribution qu'une entreprise qui donnerait une application là, à ses employés là, à l'interne. Ah, là. OK, je sais comment ça fonctionne. Ils signent l'application puis ils te la distribuent. Ouais. C'est ça. Mais là, n'importe qui peut faire ça. En tout cas, je m'excuse. Chinois l'ont fait. Puis le site web, en fait... pardon, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ils mettaient les applications, puis à un moment donné, ils venaient comme être bannis, si on veut, parce que tu as un nombre maximum. Mais quand tu signes les applications, tu peux le passer, il n'y a pas de problème normalement. Il n'y a pas de problème. Là. OK. Donc, en fait, ils ont probablement plusieurs comptes. C'est ça. Ils sont organisés. Voilà, oui, ils se débrouillent tout le temps, eux autres. Donc, le site, en fait, c'est drôle, c'est des chiffres. Ouais, c'est 2795.com, je pense, quelque chose comme ça. Non? Exactement. Donc, mais on le recommande pas, en fait, parce que les développeurs, là, c'est pas la portion qui fait du... Tu sais, je veux dire, c'est Apple qui fait plein d'argent, puis qui a des coffres, puis qui ont du cash, puis qui font des profits de 9,5 milliards de dollars, puis tout ça. D'ailleurs, c'est notre prochaine nouvelle. Les résultats financiers de Apple qui sont tombés pour le quart 2, donc le premier 3 mois de l'année, janvier, février, mars. Ouais. Donc, ils ont fait le téléphone où les gens peuvent se brancher, aller écouter ça. Donc, les chiffres en résumé, c'est 9,5 milliards de profits, 43,6 milliards de revenus. Et ils vont pousser, en fait, les dividendes et les buybacks d'ici 2015 ou 2016. Ils vont racheter pour 100 milliards. Ils vont avoir distribué en dividendes et en buyback 100 milliards de dollars. Donc, les investisseurs et les actionnaires, surtout, voulaient que Apple fasse quelque chose de cet argent-là. C'est normal. En fait, Apple a toujours dit, nous, on veut garder cet argent-là. Ils ont eu très, très peur de disparaître à l'époque. Là. Je pense qu'ils ont peut-être 2,75 dans le compte. Là. quand Steve Jobs est revenu, là, il allait disparaître. Mais c'est une compagnie qui est en santé, qui est forte, dont, tant qu'à moi, l'action en bourse ne reflète absolument pas ce que c'est la compagnie. J'écoutais les podcasts de iMore, de Mac Break Weekly, et les gars, ce qu'ils disaient, c'est vrai, c'est que il n'y a pas eu... Tu sais, il y a même du monde qui disent « Sacré Tim Cook dehors ». OK? C'est qui que tu vas mettre à la place de Tim Cook? Jonathan Ive? Attends une minute, là, il est designer. Il est designer, il connaît rien là-dedans. Phil Schiller, il veut s'en aller. Bob Mansfield, il veut s'en aller de Apple. T'sais, ils se sont fait offrir des sommes faramineuses pour rester. Il n'y en a pas, là, ça n'existe pas. Il n'est pas né le prochain Steve Jobs. Puis probablement qu'il ne voudra même pas travailler pour Apple, le prochain Steve Jobs. Il va partir sa business, il va faire son truc, puis il va disrupter son bord. Mais d'abord, Tim Cook n'a pas fait d'erreur magistrale. Il n'y a pas d'erreur stratégique majeure. Même excusé. Oui, c'est ça, il s'est excusé. Il rend Apple un petit peu plus accessible, un petit peu plus transparent. Il est prudent là, dans ses décisions. Là, puis il sait qu'il va être comparé à Steve Jobs. Tous les futurs CEO d'Apple vont être comparés à Steve Jobs. C'est une bonne attitude là, qu'il soit prudent. Clairement. Puis écoutez, je réfléchissais à ça. Quand Steve Jobs est parti en 1985-86, le gars qui est resté à la tête de Apple, c'est John Sculley pendant un bout de temps. Il a été remplacé par, là, je vais dire Barry Manilow, là, mais c'est parce que ça sonne comme Barry Manilow, mais c'est pas ça. Les gars, jusqu'en 1997, donc on parle d'une période de 12 ans, c'était des pas bons. Pendant 12 ans, ils n'ont pas réussi à tuer Apple, même s'ils ont fait des gros efforts dans cette direction-là, des idées de projets complètement débiles, des trucs comme ça. Apple, en ce moment, est en santé. C'est une compagnie qui fait de l'argent, qui fait encore du profit. Oui, c'est le premier quart depuis 10 ans où Apple fait moins de produits que la même période l'année passée. Mais c'est un peu normal, en fait, que tout ça... Tu sais, on vient de passer à travers une crise financière. Ouais, et depuis 2007... Elle n'est pas finie. Et depuis 2007, Apple n'a pas descendu. Ils vendent des produits de luxe. Et pourtant, on ne voit pas que la crise les a touchés. Et là, il ne reste plus de marché à conquérir pour Apple. C'est juste la décision des gens de année après année de dire « Est-ce que j'achète le nouveau iPad? Est-ce que j'achète le nouveau iPhone? » Et dans ce sens-là, en fait, puis on en parlait quand on est arrivé tout à l'heure, Apple n'a pas l'habitude de faire des produits « cheap ». Et c'est ce qu'on entend en ce moment. Apple doit sortir un téléphone pour les marchés émergents, doit sortir un téléphone gratuit. Regarde, il y en a un téléphone gratuit. Là, un 4S, c'est 0$. Ouais. Même un 5, 16 gigs, c'est 50$. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas cher. Okay? On peut comprendre que pour des marchés émergents, il va peut-être avoir des téléphones. Mais encore là, Apple ne fait pas de produits qui vont donner une mauvaise expérience utilisateur. Et s'il faut vraiment que tu t'achètes un téléphone cheap parce que tu n'as pas l'argent, probablement que la place où est-ce que tu habites, le réseau, il est pourri. Il vaut pas de la merde. Il vaut pas un clou. Et probablement que si Apple te vend un téléphone cheap qui se connecte à un réseau, tu n'auras pas une haute opinion de la marque. Donc, à quoi ça sert que Apple aille vraiment vers ça? Dans des pays riches, comme ici, il y en a des téléphones à 0$. Oui, il faut que tu prennes une entente. C'est quoi le problème avec le fait de prendre une entente? Tu es vraiment le genre de gars qui veut s'en aller comme un mois chez Bell, un mois chez TELUS, un mois chez Rogers? C'est parce que c'est en restant avec ces compagnies-là, en les appelant une fois de temps en temps, puis en négociant que ton prix va descendre puis que tu vas pouvoir avoir un vrai deal. C'est pas en sacrant ton camp d'une compagnie à l'autre. C'est ça. Donc, moi, le téléphone, j'y crois pas. Mon hypothèse à moi, par contre, c'est que on est en train de parler d'une montre, on est en train de parler d'un téléphone pas trop cher, puis qui dit téléphone pas trop cher, Apple l'a fait pour les iPods. Ils ont sorti un iPod qu'ils ont mis à jour depuis 2001. Bon, à un moment donné, on a dit il fait pas de vidéo, après ça, on a vendu un iPod vidéo. À un moment donné, on a dit il fait pas tel truc et il a commencé à faire tel autre truc. Et donc, c'est un produit qui était très cher. Le premier iPod était vendu 500$ pour 5 gigs. Et tranquillement, pas vite, au fur et à mesure de l'évolution du produit, au fur et à mesure des coûts de production qui descendaient pour eux, mais ils ont sorti des produits qui n'étaient pas plus cheap, qui étaient une bonne expérience utilisateur, mais pour des besoins moins importants. Donc, est-ce que Apple a le génie d'inventer un il y en a combien de monde qui te disent « Moi, là, mon téléphone cellulaire, c'est un téléphone d'urgence. » Est-ce que Apple est capable d'arriver avec un produit pour eux qui vont dire « Ben, trade-off, là, si je m'achète, mettons, une montre plus un téléphone d'urgence, ben, ça va me coûter tel prix. Puis à la place, je peux avoir une montre téléphone Apple avec quelques fonctionnalités que je passe pas mes journées à pitonner dessus. Il peut avoir le Bluetooth là-dedans. Si je veux vraiment un clavier, j'en ai un à l'extérieur. Il peut y avoir un paquet de trucs différents qui est offert. Puis Apple l'a déjà fait avec les iPods. Ils ont offert des iPods mini, ils ont offert des iPods nano puis des iPods shuffle. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Quand vous réfléchissez à ce que... Tu sais, tout le monde dit qu'un téléphone pas cher devrait arriver, la TV va arriver, Mais moi, si t'as pas les moyens de te payer le téléphone Apple au prix qu'il est présentement... Bien, si t'as pas la volonté de te le payer au prix qu'il est, vas-tu vraiment avoir la volonté de te payer la facture de service cellulaire pour ce que tu as à faire avec ce téléphone-là? On parle de data, on parle de voix, on parle de messages texte. Ça me donne pas rien. Payer, de toute façon, tous les téléphones sont le même prix. Donc, on parle d'un Galaxy, qu'on parle du HTC One, qu'on parle du iPhone. Les téléphones débarrés sont tous. C'est autour de 600-700$. Hein? Moi, je vois pas de marché, là, vraiment, là, pour des trucs comme ça. Bref, de toute façon, tout le monde et sa mère, durant les derniers jours, ont regardé ces chiffres-là, des descentes au niveau des profits, mais c'est quand même 9,5 milliards de dollars. Là. J'aurais comme 10 % 1 % de ça, puis je serais content dans ma vie. Donc, moi, je pense que Apple va très bien, continue sur une bonne lancée. Il y a quand même des questions à se poser. Au niveau, ils ont vendu 4 millions de Mac. Et quand on regarde la tarte... Ça, j'ai peur. Est-ce que l'ordinateur Apple est voué à disparaître éventuellement? C'est une possibilité. Ça existe. Ils pourraient y réfléchir. Ils pourraient se poser la question. J'ai très peur. Effectivement, moi j'ai l'impression que si l'ordinateur Apple disparaît, c'est parce que le reste de l'informatique tel qu'on le connaît aujourd'hui risque aussi de disparaître. Ça fait quelques minutes qu'on parle des résultats financiers puis de ce qui s'en vient. Si vous êtes intéressés, ceux qui nous écoutent, à peut-être amener votre grain de sel, quelque chose d'intelligent comme commentaire, d'intéressant, que vous n'avez peut-être pas lu ailleurs, puis vous avez une idée, puis vous vous dites « Hey, tiens, moi, je vois ça. Est-ce que ça se peut chez Apple? Est-ce que la culture d'entreprise ressemble à ça? » Puis de comparer, en fait, ce que vous voyez par rapport à nous, bien, vous pouvez nous contacter en studio au 1-877-561-2357. Et avant de passer à la prochaine prochaine nouvelle, on va écouter un petit commanditaire. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. C'est malade, hein? C'est Bernard qui a inventé le slogan, puis on va probablement l'utiliser sur le site web. On continue avec les news. Non, les applications. Ah, t'es sûr? Non, il en reste encore les résultats financiers. Ouais. Ah, OK, ouais, excusez. Mm-hmm. Parce qu'ils ont discuté d'un certain nombre de choses. Quand les annonces de résultats financiers sont données, il y a des questions qui sont posées, vers quoi on s'en va. Et Tim Cook a quand même été assez clair à plusieurs reprises. On lui a posé la question. Et d'abord, les nouvelles pour le WWDC sont à peu près sorties. On sait que... Excellent, on va le prendre dans quelques minutes. Mm-hmm. On sait que le iOS 7 et le OS 6 vont être annoncés. Ça risque d'être ça au WWDC. Est-ce qu'il va y avoir du nouveau gear? On ne sait pas. Il n'y a rien, évidemment, qui transpire, c'est Apple. Mais Tim Cook semblait dire que ça va être plus à l'automne qu'on va voir des nouveautés. Donc, c'est comme si Apple voulait, autour du mois d'octobre, un peu avant la période des fêtes, sortir en fait toute la gamme de nouveaux produits puis laisser les gens choisir là-dedans. On a invité les gens à nous téléphoner en studio. On a un téléphone. On me dit une petite seconde. OK, c'est parti. Bonjour, qui parle? Oui, mon nom, c'est Michel. Bonjour, Michel. Oui. Oui. Je vous écoute là en ce moment avec le podcast, là. Oui. Et puis tu parlais tantôt là concernant les produits à Apple puis tout ça, là. Oui. Et puis moi, qu'est-ce que j'en pensais un peu là-dessus, là, parce que je suis quand même d'accord de beaucoup de choses que tu as dit tantôt. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'en pense, là? J'ai comme l'impression que si un jour il n'y a plus d'ordinateur, là, comme tu parlais tantôt, là, peut-être que ça va porter à disparaître. Puis, bon, la tendance a l'air, ça va être les tablettes qui vont peut-être prendre le dessus. Vu que les tablettes, ils commencent à avoir beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur de ce genre-là, parce que c'est beaucoup plus facile à fonctionner, beaucoup plus facile, plus convivial et tout. Mm-hmm. Pour les ceux qui sont non initiés, par rapport aux ordinateurs ou encore, tu sais, ils ont besoin juste le strict minimum pour leurs besoins, comme exemple, je sais pas, au moins payer leur compte, ensuite faire un petit peu de clavardage par rapport à Twitter ou quelque chose de même, ou encore une affaire comme, tu sais, qui n'ont pas d'expérience là, comme des développements de produits ou quelque chose de même, j'ai comme l'impression que là, que ça va être le nouveau marché pour essayer de toucher monsieur et madame tout le monde. Parce que j'ai remarqué que quand on parlait un peu d'ordinateur puis qui était comme un peu craintif, ils connaissent pas les interfaces, ils n'ont jamais étudié dans le domaine. La société nous pousse à aller vers les ordinateurs quand même. Moi, j'ai comme l'impression que la tablette, l'iPad surtout, mm-hmm. il va devenir comme une alternative pour monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Bien, c'est sûr que ça va chercher en fait le segment de marché des gens. Les tablettes, c'est sûr que c'est pour les gens qui ne veulent pas avoir d'ordinateur. Mais reste quand même qu'il y a de la création de contenu qui doit être fait. Et cette création de contenu-là, pour l'instant, c'est beaucoup plus ardu de la faire sur des tablettes. Que ce soit de produire un show podcast comme on fait ce soir, le faire uniquement sur un iPad, ça serait compliqué. C'est un outil qui vient nous aider dans tout ça, mais il nous faut encore un ordinateur, des ports, connecter des périphériques externes, des trucs comme ça. Là, pas juste ça, il y a Xcode aussi. Oui, c'est ça. Il ne commencera pas à coder sur un iPad. Sur un iPad, effectivement. Tu vas, tu vas broyer ta main quelque chose d'horreur avec tes lignes de code. Là. Non, mais je veux dire, OK... Ils ont peut-être vendu 4 millions de Mac. Là. On ne dit pas que demain matin, il n'y en aura plus. Là. Non, c'est ça. Mais je veux dire, mais moi, j'ai pas d'iPad et je pense pas m'en acheter un parce que moi, j'aime encore mon MacBook Pro. Je suis habitué avec. Là. J'aime ça de l'avoir entre mes mains. Je fais plus de choses là-dessus. Avec mon iPhone, j'en fais beaucoup, mais j'aime mieux travailler là-dessus encore. Mais j'aime l'argument là, de monsieur, madame, tout le monde. Parce que c'est vrai, tu prends un iPad, tu peux t'en servir tout de suite. Tu n'as pas de configuration à faire, pas rien. Tandis que... Avec comme un ordinateur, mais t'as plus de possibilités. C'est ça qui est le fun. Nous, on aime ça avoir plus de possibilités. Ouais. Là, on cherche, dans la manière qu'on utilise notre iPad, à avoir plus de possibilités. Moi, je me verrais pas avoir un ordinateur. Non, ouais, moi non plus. Là. C'est comme, je pourrais pas vivre sans mon portable, là, c'est sûr. Voilà. Ça me fait penser que dans le temps, là, je sais pas si tu t'en rappelles, là, quand il y avait les VHS puis les bêtas pour des films. Mm-hmm. Oui. OK. Les VHS ont gagné par rapport à Beta, mais Beta, ils ont gardé le côté professionnel pour les gens professionnels pour faire des films et tout ça. Parce que c'était plus dispendieux, c'était de la meilleure qualité. Effectivement, les réseaux de télévision fonctionnaient avec le Beta. C'est ça. J'ai comme l'impression que les ordinateurs vont peut-être moins en vendre de ce qu'ils pouvaient en prévoir. Ça va devenir comme un outil de professionnel. Et pour monsieur et madame tout le monde, ben, ça va être comme un complément par rapport à iPad. Effectivement, c'est un point de vue qui se défend, puis je pense que la tendance s'en va vers là. On te remercie beaucoup, Michel, de nous avoir téléphoné. On va laisser la place à d'autres gens s'ils veulent nous téléphoner, puis on va essayer de terminer éventuellement ce show-là. On a encore pas mal de nouvelles à donner. Mais quand même, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Merci. Merci. Bye-bye. Bye. Donc, on retourne aux résultats financiers et Apple qui est très optimiste à propos du futur et des annonces, des surprises pour l'automne, tout en mentionnant des nouvelles catégories de produits éloigne l'idée d'un iPhone plus gros. Donc, je pense que ce que Tim Cook a dit, c'est que les écrans de 5 pouces, ils n'étaient pas prêts à passer à ça parce qu'ils étaient obligés de faire un trade-off trop important en termes de qualité, de calibrage du gamma, de tout ça. Donc, ces écrans-là, là, AMOLED, puis ça fait plusieurs fois qu'ils répètent ça. Mais pourtant, il y a quand même des gens qui sont engagés chez Apple et qui sont des spécialistes de ce type d'écran-là. Donc, Apple prévoit l'avenir. Ils pensent aller probablement éventuellement vers ce type d'écran-là, mais pour l'instant, ce n'est pas dans un futur peut-être approché. Pas cette année, peut-être l'année prochaine. Peut-être effectivement. Voilà. Les nouveaux produits, on le disait plus tôt, ont tous été annoncés en octobre passé. Et Tim Cook a mentionné, en fait, qu'il aurait préféré annoncer le nouveau iMac en janvier plutôt qu'à l'automne. Il a fait un coup de poker. Il savait que les lignes de montage avaient peut-être de la difficulté à produire assez d'ordinateurs. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, ils ont eu beaucoup de difficultés à livrer pendant les premiers mois. Ça n'a pas commencé à être livré avant janvier. Effectivement. En fait, il y a certains modèles qui étaient vendus en octobre ou novembre, d'autres qui étaient en décembre, mais il a essayé de voir, en fait, lui, ce qu'il a pensé, c'est que la ligne de montage allait plus rapidement que prévu s'adapter aux méthodes de fabrication. Je pense que c'est le coating de l'écran qui portait problème. La compagnie qui produisait ce coating-là n'a pas été capable assez rapidement d'embarquer dans les demandes de Apple. Dernière nouvelle à propos de ça, selon Tim Cook, les systèmes de paiement mobile, NFC et autres, ne font que commencer à apparaître et seraient encore trop en phase de développement pour être fiables. Puis, on en parlait avant le show, quand on mangeait plus tôt, et Apple est reconnu pour faire ce genre il lance ces trucs-là. Et en fait, on leur pose une question sur... La question, en fait, qu'on leur pose, c'est pour savoir est-ce qu'Apple va aller dans ce marché-là. Puis eux, ce qu'ils disent, c'est... c'est trop en phase de développement actuellement, ce qu'on voit, pour être fiable. Donc, fiable en termes de sécurité, fiable en termes de facilité d'utilisation, toujours cette expérience utilisateur. Et moi, j'ai plus l'impression que ça répond... En fait, sa réponse, ça veut dire, ben, comme on trouve que c'est poche en ce moment, on est en train de checker qu'est-ce qu'on peut faire mieux que ça. Et la rumeur d'un détecteur d'empreintes digitales sur le bouton Home pour les prochains iPhones irait dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'actuellement, on a des téléphones avec des puces NFC dedans. Et merci JE, ils nous ont montré que c'était très facile à hacker. Si j'y ai réussi, c'est la première application que j'ai installée sur le Galaxy S3 que j'ai testé. Là. J'ai fait une recherche sur Google Play Store, une genre de chose pour utiliser le capteur NFC, une affaire de carte de crédit. Là. Ça fonctionne très bien. Là. L'application bloquait le numéro complet. Là. C'était vraiment une application juste pour tester. Okay. Mais j'aurais pu télécharger, facilement retracer l'application là, qu'ils ont présenté à JE, même s'ils n'ont pas dit le nom là, officiellement. Là, mais... En regardant là, à la télé, là, ils ne se sont pas forcés pour cacher l'écran là, quand ils l'ont montré. Puis le truc, c'est que cette puce NFC-là, couplée avec une authentification par le fait que tu mets ton empreinte digitale, là, ça commencera à être sécuritaire, ça commencera à être intéressant. Parce que c'est un sujet sensible, là, les cartes de crédit. Ben, là, c'est sûr. Mais pour l'instant, pour les gens qui ne le savent pas, puis j'en parle avec plein de monde, puis ça m'étonne que les gens le sache pas plus, l'application Apple Store de Apple propose une option qui s'appelle Easy Pay. Ouais. Et mm-hmm. Easy Pay, en fait, c'est le fait que votre compte iTunes, qui est relié à votre carte de crédit et qui, donc, peut être relié à cette application qui est programmée par Apple-là, devient votre portefeuille. Devient en fait, effectivement, votre carte de crédit. Vous rentrez dans un Apple Store, prenez un produit, vous ouvrez Apple Store, vous allez dans l'onglet Easy Pay, scannez le code barre, puis il vous envoie automatiquement, en fait, la facture à votre adresse email et vous sortez sans sac, sans rien du magasin. Puis faites attention, tu sais, scannez-les le produit. Il y a un gars à l'entrée qui est habillé en garde de sécurité, là. Si lui, il vous spot, c'est une chose. Il y en a un autre qui n'est pas habillé en garde de sécurité dans mm-hmm. le magasin. Eh oui. On ne sait pas à quoi il ressemble, mais il passe autant de temps que moi dans le magasin. Puis il y a des employés d'Apple à l'entrée qui ont des iPads. Je suis sûr et certain qu'ils ont une façon de voir les dernières transactions EasyPay qui ont été faites pour voir c'est quoi clair. Les produits qui ont été achetés et contrôler clair, qui sort là, du magasin. Ben oui, c'est ça. Puis c'est pour les accessoires, les EasyPay. Vous ne pouvez pas acheter un iMac là, avec EasyPay. Vraiment... Moi, quand je suis allé, ils me l'ont proposé. Ils ont dit, ouais, toi, on te reconnaît à la face. Là. De toute façon, si tu nous voles de quoi, on le sait. Là, dans 3 mois, tu vas être à la porte. Tu vas être en avant. Puis la fille, elle a dit, on va essayer. Puis effectivement, je me souviens plus si ça l'a bloqué ou si ça fonctionnait, là, mais on a bien rigolé avec ça. C'était mm-hmm. c'était drôle. Donc, les informations de paiement du iTunes Store sont intégrées autrement au Apple Store. Parce que quand tu payes avec la carte de crédit qui est associée à ton compte iTunes, là, quand okay. ils glissent la carte de crédit sur leur iPod Touch, là, finalement, mm-hmm. Tes informations, ton adresse email, ton nom, numéro de téléphone, ça l'apparaît automatiquement là, comme c'est dans ton compte iTunes. Là. Donc, ils vont chercher des informations aussi de cette façon-là. Fait qu'ils font un reverse lookup sur ton numéro de carte de crédit. C'est ça, oui. Ouais. Parce qu'ils l'ont dans leur système déjà. Là. Ça fait longtemps que c'est de même. Là. Un bon 2-3 ans là, que j'ai remarqué pas ça. Pas pire. Ah. Excellent. Mm. Et on est rendu, en fait, au morceau... en fait, la section s'appelle « Application », mais en fait, c'est plus « Découverte ». Donc, on peut parler de plus de choses. Jean-Michel, qui commence à être « social media » à cause de Mac Québec, est tombé dans le bourbier de Tweetbot cette semaine, mm-hmm. qui s'est mis à jour à la version 2.8. Ton expérience avec Tweetbot, Jean-Michel? J'adore ça. J'adore ça sur iPad, j'adore ça sur Mac. Puis récemment, j'ai fait le saut, j'ai acheté la version pour... j'adore ça sur iPad, j'adore ça sur iPhone. Puis récemment, j'ai fait le saut sur Mac. J'ai acheté la version qui est vendue sur le Mac App Store au prix fou de 19,99 là. Mm-hmm. C'est sûr que tu racontes ça à quelqu'un, là, puis la première affaire qui te demande pourquoi t'as payé 20$ pour avoir accès à Twitter. Là. Va sur twitter.com, là, tu peux faire ce que tu veux, là. Mais c'est pas comme Facebook, là, Twitter, je trouve. Je trouve que j'ai plus d'options, j'ai des options plus intéressantes avec Tweetbot pour Mac, que j'ai payé 20$. Je peux faire des recherches, je peux organiser mes vues par colonne, donc voir plusieurs hashtags en même temps, voir les gens qui me répondent, voir mon timeline en général. Là, c'est vraiment beaucoup mieux comme ça, tandis, comparé avec l'application Twitter, là, qui me permet de faire juste une chose à la fois. Là. Effectivement. Mm-hmm. Dans ces clients Twitter-là qui permettent de voir par colonne, on est vraiment content d'avoir Tweetbot parce que TweetDeck, ouais. qui était une des applications... Bon, y a Hootsuite aussi qui permet de faire ça, mais Hootsuite, c'est maintenant payant en fait pour certaines options. Ouais. Mais TweetDeck, qui a été racheté par Twitter, qui est un client, on pensait qu'elle allait le développer comme client professionnel. La version Air de TweetDeck va être... ne pourra plus avoir accès à Twitter et la version iOS de TweetDeck va être enlevée du App Store. Donc, Twitter qui veut pousser les gens sur la plateforme mobile à utiliser le client officiel Twitter. Et il y a quand même une application dans le App Store TweetDeck qui va continuer à fonctionner, si je ne me trompe pas, en tout cas d'après ce que j'ai lu, mais qui est moins efficace. Elle a été réécrite parce qu'avant, c'était sur Air. Et cette application-là, il y a quand même 2-3 fonctionnalités là, que ça accroche. Mais Tweetbot, c'est vraiment le client génial. Et une des raisons pourquoi il est 20$, c'est qu'ils ont commencé à développer Tweetbot. Ils voulaient le sortir. Et puis là, Twitter a fait des gros changements à son API. Mm-hmm. Et ce que ça a fait, c'est que eux autres se sont retrouvés avec un produit qui était pratiquement terminé au niveau du développement. mais qu'on leur a dit, écoute, le maximum de personnes à qui tu vas pouvoir le vendre, c'est 100 000. Mmh. Fait que check comme tu veux, mais tu pourras pas faire, techniquement, à 20$, mettons, tu pourras pas faire plus que 20 millions de dollars. Fait que ça t'a coûté combien développer ton application? Ça t'a coûté tant? Puis, tu sais, à cause de... Il y a pas de mise à jour sur TweetDeck, là? C'est-à-dire que... Non. Sur TweetBot, c'est-à-dire qu'ils font une mise à jour, mais tu payes pas. Fait qu'il y a comme pas d'autre argent qui rentre. S'ils veulent en faire une autre version, il va falloir qu'ils sortent TweetBot 3. Ben, ouais, là, 3, c'était la version 2.8. Je sais pas sur Mac, c'est combien, là? Donc, ce serait la version 3 qui serait obligée de sortir. Et puis là, ils vont dire, ben, on l'a réécrit, fait que vous payez pas, tu sais. Puis... Mais dans la seconde que ça sort, je vais payer pour. C'est clair. Là. Quand c'est ça a sorti, le matin même, ping, 20$. Mais le 20$ fait réfléchir. Puis c'est une bonne affaire parce que c'est des c'est des utilisateurs sérieux qui vont acheter l'application. Ben ouais, c'est pas... Monsieur Chose là, qui veut essayer, là, hein, il investira pas 20$. Non, non, tu sais, c'est comme nous autres du monde qui est souvent dessus matin au soir, là, que notre vie est ben, pas là-dessus souvent, mais notre pas de vie, là. Notre pas de vie est pas là, là. C'est comme, puis regarde, j'ai mon compte Twitter là, peut-être depuis quoi, 2008, ouais. Là. J'ai dû tweeter là, dans les deux derniers mois, là, autant là, que j'ai tweeté là, dans les six dernières années. Ouais, clairement. C'est tellement facile là, avec TweetBot. Là. Excellent. On devrait communiquer avec eux autres et dire comment on chante vos louanges à chaque podcast. Vous devriez nous commanditer. Il y a eu un lancement assez important au Québec, le lancement de La Presse Plus. En fait, gros changement de modèle pour un journal traditionnel. Ouais. It's a bold move. C'est un move assez ambitieux. Donc, il y a quand même pas mal de monde qui ont parlé en bien. De La Presse. Il y a quand même des questions qui se posent. J'ai essayé de rentrer en contact avec les gens de La Presse qui auraient bien voulu, et malgré les questions peut-être un petit peu tough, qui auraient bien voulu venir nous rencontrer. Mais écoute, il est 23h27, ouais. Là, donc ça a été un peu tard. Peut-être qu'on réussira à faire une entrevue avec eux. L'avez-vous installé? Oui, je l'ai installé. Je le lis à chaque matin, j'adore ça. C'est vrai? C'est quoi? Ouais. Ça arrive à quelle heure, le journal? À minuit. À minuit la journée. C'est pas 5h30 le matin? Non, moi, hier, je l'avais à minuit, la version d'aujourd'hui. J'étais couché, puis je l'avais déjà là, sur mon iPad. Mon Dieu. Okay. Peut-être que tu te couches à 5h30 le matin. Ton cadre n'est pas bon. Une heure et demie, deux heures, mais j'avais déjà la version. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a une fonctionnalité de téléchargement automatique. Le soir, quand tu connectes ton iPad, ça va automatiquement télécharger la version de la journée. Puis le matin, quand tu te lèves, ben, t'es prêt à le lire. Là. T'as pas à attendre là, 5 minutes là, que le... Puis c'est un journal, contrairement au site web de La Presse, qui est à Cyberpresse, ouais. À lapresse.ca. Ouais. Ce site-là est updaté aux 15 minutes, mais La Presse Plus, c'est la version du jour. C'est l'équivalent d'un journal que t'as. Et les articles qu'ils ont dans leur journaux, minus probablement là, les offres d'emploi, il n'y a pas autant d'articles là, que dans la presse version papier, là, mais c'est les gros noms. Là, mm-hmm. Foglia est là-dedans, okay. Boisvert, mais OK, Gagassé, mettons qu'il se passe quelque chose dans l'actualité à 3h d'après-midi, ça se met ça à jour? Non. Ça va être, non. Oui. Pas La Presse Plus. Pas La Presse Plus, c'est Cyberpresse qui est mis à jour. Il y a un feed? Ah, il y a un ticker? Ah, OK, okay mais l'édition en tant que telle que tu télécharges n'est pas mise à jour. La mise en page, parce qu'il y a de la vidéo là-dedans, il y a de l'audio, même les publicités, je pense. Oui, c'est interactif. OK, là, fait qu'il n'y a pas de téléchargement vers leur serveur. Tout est dans mettons, ça pèse combien les fichiers qu'ils téléchargent? C'est une centaine de mégs par jour. OK, fait que les vidéos sont toutes là-dedans, toute la patente? Là, oui. C'est le contenu. La vidéo, tu vas le chercher. C'est une vidéo que tu regardes en streaming. Ah, là, OK. Comme sur YouTube, mais quelque chose du même principe. Okay, là, mais tu télécharges les images, le contenu, là, puis comme les fonctions interactives. OK. C'est divisé par cahier, là, comme dans la vraie presse. Tu as le cahier actualité, le cahier débat, le cahier affaires, le cahier famille. Cahier techno. Puis, je sais pas c'est quand, mais j'ai écrit là-dedans. Jeff. Je l'ai vu. Tu l'as vu passer? C'est une review d'application, je pense. Find My... j'ai écrit quelque chose sur Find My Friends. Oui, c'est ça, je l'ai vu. C'est la semaine passée, la 2e-3e édition, je pense. OK, excellent. C'est Jean-François Coderre sur Twitter qui a demandé, écoute, je cherche des geeks, c'est pour écrire... dans la presse, qu'évidemment, comme une petite media whore que je suis, je me suis pitché là-dessus. Puis il a écrit, fait que il va avoir en fait, ça va être parce que c'est très très général ce que la presse écrit en technologie. Et puis ils ont décidé comme ça d'aller chercher des petites brides de gens qui étaient plus passionnés, plus pointus dans certains domaines, pour peut-être aller donner un avant-goût de ce qui se passait sur cette plateforme-là. Donc l'article que j'ai écrit moi, c'était sur Find My Friend, la nouvelle fonctionnalité de géonotification là, qui venait de sortir, qui était très intéressante, dont on a parlé dans le dernier podcast, si je ne me trompe pas. Si je peux me permettre un commentaire au sujet de la presse. Justement, je disais que c'était divisé par cahier. Oui. Quelque chose que j'aimerais, là, je ne sais pas si c'est si ça a rapport au fonctionnement là, de Newsstand, mais quelque chose comme ça, du fichier que je télécharge. J'aimerais ça pouvoir choisir les cahiers que je télécharge, parce que c'est pas toutes les affaires qui m'intéressent. Il y a le cahier famille, il y a le cahier décoration, art et spectacle. J'aimerais ça choisir, mettons, c'est sûr que c'est pas tous les cahiers qui sont disponibles à chaque jour, mais j'aimerais ça pouvoir y dire, télécharge pas le cahier famille, télécharge pas le cahier décoration, télécharge pas hors de vivre, ces affaires-là qui m'intéressent pas, comme ça, ça l'aide quand même à diminuer là, le format du fichier, parce que c'est quand même une centaine de megs par jour, puis regarde, chez nous, on a 3 iPads, puis on reçoit les 3 La Presse Plus, fait que ça fait 300 megs par jour, à la fin du mois, là, ça fait 3,1 gigs là, de La Presse Plus, là. Puis ça n'inclut pas le contenu que tu vas chercher sur Internet. Là. C'est quand même important. Un truc qui est intéressant, en fait, La Presse Plus, l'abonnement pour la première année, si je ne me trompe pas, est gratuit. On ne sait pas ce qui va se passer pour les autres années. On sait qu'ils ont développé ça, en fait, durant... ça fait 3 ans. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ils ont travaillé pendant 3 ans là-dessus. Plusieurs millions là, de dollars. 40 millions de développement. J'aimerais ça savoir... Où, t'sais, oui, elle est belle. Là. T'sais, c'est pas service mobile à 200 000. Là. T'sais, c'est, tu le vois qu'il y a de l'argent qui a été mis. Mais il y a eu aussi, on a entendu parler dans les bêtas qu'ils faisaient, il y avait un projet pilote pour switcher, si tu veux, ton abonnement de La Presse à cette presse électronique-là. Okay. Et l'abonnement aurait inclus un iPad, mais... Ah oui, à 7 puissants, là, n'en parlant même. Exactement, mais ça a été abandonné Mais ils vendent des iPads. Ils donnent un lien vers le App Store où qu'il y a une page spéciale du Apple Store qui vend des iPads La Presse Plus. T'sais. Mais c'est vraiment juste une offre de produit. Le prix est le même. Ce que ça donne de plus, c'est un fond d'écran La Presse Plus que tu peux facilement télécharger ailleurs. Puis tu as un lien pour aller télécharger l'application là, après avoir créé ton compte iTunes. Exactement. Mais c'est une belle intégration quand même d'un média qui a fait vraiment quelque chose avec Apple. Oui, parce que tu l'achètes directement d'Apple, c'est sur l'Apple Store canadien là, que tu l'achètes. Exactement. Il y a certaines choses qui ont été relevées qui ne sont pas si intéressantes que ça. D'abord, l'application ne fonctionne que sur iPad, même pas iPhone. Ils n'ont absolument aucune information à savoir s'il y a un développement pour Android, téléphone ou tablette qui est fait. iPad 2. À partir de iPad 2 iPad uniquement. iPad 1 ne marche pas. Et ça a fait suer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On salue Marie-Claude. Il y a beaucoup d'autres gens. Oh, oui. Mais tu vois, Michel Blanc a été dit dithyrambique envers le truc. Mais et je ne sais pas c'est quoi exactement son nom, mais si vous cherchez émergent sur Twitter, vous allez le trouver. Lui a écrit un article qui était assez cinglant. Il trouvait qu'il y avait un certain... Ouais, il était pas vendu nécessairement à La Presse Plus. Donc, il y a quand même certaines voix qui sont... C'est peut-être plus personnel aussi, mais c'est seulement en format paysage. Aussi, hein, c'est vrai. Ouais. Moi, j'aimerais ça. C'est surtout que Apple présente l'iPad tout le temps en format portrait. Là. Ouais. J'aimerais ça avoir l'option au moins là, de le regarder dans les deux... De façon, je le sais que ça se fait. J'étais abonné à la revue Wired avant sur l'iPad, puis j'avais le choix de le regarder en portrait ou en paysage, puis ça l'ajustait. Là. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des mises à jour. Ouais, je veux dire, de ce 40 millions-là, ils vont ajuster. Ça serait intéressant de pouvoir inviter quelqu'un puis leur poser des questions. On essaiera peut-être, dans le cadre du WWDC, si on est capable d'étirer le temps un peu plus avant. Tu sais, vers 11h30 le matin, là, elle pourrait probablement venir nous parler de ça. Ça pourrait être un invité de marque à avoir. Facebook qui a lancé Facebook Home pour Android et décide de lancer une version iOS sous peu. Il n'y aura pas une aussi bonne intégration, d'après moi, du produit iOS parce qu'ils ne peuvent pas. Mais les commentaires sont assez pourris. Ben, comme j'ai dit sur Twitter, quand j'ai vu ça, il voulait sortir sur iOS. J'ai dit, il faut lui, Chris. Je veux pas ça dans mon téléphone, là, je m'excuse. Là. Il pourrait pas le mettre de la manière qu'ils le font, aussi intégré. Ça avait été annoncé avant le dernier podcast, Facebook Home, mais là, c'est sorti, puis les gens ont pu commencer à le télécharger. Puis sur le Google Play Store, je pense qu'il y a quelque chose comme 43% des commentaires qui sont... C'est deux étoiles. Deux étoiles ou moins. Ouais. Là. C'est 500 000 téléchargements, juste ça, rien que ça. Mm-hmm. C'est 500 000. Là. C'est puis moi, j'ai vu un commentaire de Pascal Forget passer. Il l'a désinstallé au bout de deux jours. Là. C'était vraiment pas intéressant. Donc... Ça rend tellement les fonctionnalités de ton téléphone difficiles à accéder là, parce que Facebook s'intègre au niveau du système, là, vraiment. Ah là, oui? Ouais. Parce qu'ils peuvent le faire sur Android. Ouais. Là. Les fonctionnalités de base de ton téléphone sont tellement difficiles à accéder. Ils veulent tellement là, que tu passes par Facebook pour tout faire parce que on sait tu peux faire des appels par Facebook. Maintenant, tu peux faire du chat, tu peux tout faire. Que ton téléphone, c'est une machine Facebook. Là. Ben, en fait, pour beaucoup de gens, l'Internet, ce n'est que Facebook. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui vont dans le jardin fermé de Facebook, comme dans les années 90, il y a beaucoup de gens qui allaient sur AOL à l'époque. Ouais, on recevait les CD, puis l'Internet, puis le portail, c'était AOL, puis tu sortais pas de là. Ouais. Donc, le Facebook, c'est un peu le AOL du ouais, je me souviens, tu regardais des bandes-annonces de films, puis tu avais le keyword AOL là, qui est indiqué à la fin, là, en évidence. Exactement. C'était hot à cette époque-là, mais là, ça ne l'est plus. Mm-hmm. Il est encore temps de se procurer, puis je pense que c'est pas le seul, il y en a deux. Il y en a un autre, j'ai vu passer à 20$, mais c'est moins intéressant. Il est encore temps, il y a deux jours à partir de maintenant, pour se procurer le Nano Bundle 3 de MacAist. Le Nano Bundle 3 a déjà été vendu à plus de 49 000 exemplaires, donc probablement plus que ça à l'heure où il est. C'était ce matin, là, ça. Là. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que le dernier bundle MacEast complet, là, qui avait vendu 49 $, s'est vendu à 44 149 exemplaires là, à la fin. Mais il était assez pourri, merci. Il n'y avait pas d'application intéressante là-dedans. Ils ont été obligés de descendre là, leur objectif là, pour débloquer les applications là, à toutes les fois. 51 573 qui sont rendus. Quand même. Et je pense que pour débloquer la dernière application, il faut qu'il se rende à 55 000. 55 000. C'est ça. Donc, un petit effort, tout le monde. Allez acheter votre... Mais il faut dire, ce qui est le fun avec ces bundles-là, c'est qu'ils redonnent 10 % des œuvres de charité. Mm-hmm. Oui. C'est 1 $ par bundle. C'est ça. C'est 1 $ par bundle, exactement. Et vous pouvez choisir, en fait, l'œuvre de charité à laquelle ça s'en va. C'est vraiment bien. Beau kit de logiciel, le Pathfinder. Oui. Si vous voulez avoir des onglets dans votre Finder, logiciel merveilleux. J'ai jamais eu beaucoup de chance, moi, avec ce logiciel-là. Je le trouvais instable et tout. Il a beaucoup changé à comparer. Ça s'est amélioré? Oui, ouais, ça s'est... Hey, moi aussi, avant, là, oublie ça, là, ça plantait là, exactement. Fantastical, merveilleux. Ça, c'est écœurant. Je pense que c'est toi qui me l'as fait découvrir. C'est vraiment bien. C'est malade, là. T'écris un texte dans ça, là, puis ça te le programme tout de suite dans ton calendrier, là. Tu utilises en fait un langage standard. Rendez-vous avec Jean-Michel vendredi prochain à 2h30. Puis tuk-tuk-tuk, il va aller remplir tous les champs automatiquement. Google Calendrier le fait aussi quand tu accèdes à la plateforme web, quand ça y tente. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Là, des fois, mettons, si tu marques de 10h à 17h, rendez-vous, mais ça va marquer le rendez-vous à 10h, puis le texte du rendez-vous, ça va être à 17h, rendez-vous. Là, des fois, ça le détecte, des fois, ça le détecte pas. Il y a l'application Clean My Mac 2. Ah, quand même, OK, qui était dedans. Qui vient de sortir il n'y a même pas un mois, je pense. Donc ça, c'est nouveau. Souvent, les bundles vont avoir des vieilles versions de logiciels parce que ça va changer bientôt. Mais là, c'est vraiment un logiciel neuf. Oui, ça vient de sortir. Très bon. Excellent. Air Server, qui sert à prendre ton appareil iOS et de le mettre dans ton ordinateur comme un... En fait, c'est de pouvoir transformer ton ordinateur en Apple TV et de pouvoir diffuser AirPlay de ton téléphone à ton ordinateur. Je me trompe avec mon oncle. C'est pas AirParrot, c'est le contraire d'AirParrot. C'est ça, il y en a 3-4 des logiciels comme ça. Je me trompe, oui, c'est ça. Fait que... Voilà. Donc, allez regarder ça. Sinon, y a-tu quelque chose sur Stack Social? Ils ont des... des cool, des des cool bundles des fois sur Stack Social. Puis j'ai de me rendre. Ouais, c'est ça. Ils ont un Mac bundle où est-ce qu'il y a Crossover, il y a Jimini. Puis en fait, c'est que tu donnes le prix que tu veux, pour le bundle. Donc il y a Disk Tool Pro Crossover 12 qui vous permet de faire fonctionner sur votre Mac des applications Windows. Certaines. Il y a quand même un bon échantillonnage, mm-hmm. les plus importantes. Je l'ai acheté, ce bundle-là. Je vais l'essayer, Crossover, pour Simple Comptable. Je serais curieux de savoir si ça fonctionne. Snaps Pro X, qui est une application de screenshot qui fonctionne très bien. Paperless, Mac Blu-ray. Juste cette application-là, si vous voulez avoir 60. Un lecteur Blu-ray, c'est 70$. Donc, il y a Jimini, il y a MusicTube, OODA Spot qui est intéressante, Elmedia Player Pro et Photobulk. Et ce qui se passe, en fait, c'est que vous pouvez soit payer le prix recommandé de 49$ pour le bundle complet, ou vous pouvez payer, en fait, en ce moment, c'est 9,63$, mais si vous payez, en fait, le prix moyen, il vous donne... Qu'est-ce qu'il vous donne de plus? Il donne toutes les applications. Pour avoir toutes les applications, tu dois payer au moins le prix moyen. Oui, c'est ça. Sinon, tu peux payer 49$ qui est recommandé. Mais sinon, tu peux payer pour être dans le top 10 des donateurs. Puis parmi ces 10 personnes-là, ils vont faire tirer là, un MacBook Air. Donc, à 201$. Oui. Ben, le moins haut est 101. Donc, j'imagine que si je donne 101,50, je vais prendre la 9e place. Take the top position. Oui, effectivement. Mais 9,63, c'est pas pire. C'est pas cher. Non, c'est parce vraiment que, bien. Juste le Blu-ray player, là, c'est le meilleur Blu-ray player sur Mac qui existe. C'est pas le seul? Non, il y en a d'autres. Okay. Il y en a un autre, je me souviens plus du nom, mais il y en a un autre que j'ai essayé. Okay. C'est orange comme logo, je me souviens plus trop. Puis vous branchez un Blu-ray externe dans votre Mac, puis ça vous fait un Blu-ray. Là. Fait que, c'est Jimini aussi, pas pire. Crossover, ouais. Le Disk Tool Pro, ça date. Là. C'est correct, là, on l'a eu dans le Mac East. Là, fait que, c'est vrai. Fait que, c'est sûr. Parce que nous autres, vu qu'on suit souvent ça, c'est que souvent des applications qui reviennent. C'est qu'on achète des bundles. Hein, je l'ai déjà. Qu'est-ce que je fais là? Ah, il y a celle-là qui m'intéresse, mais si je l'achète tout seul à 20$, le bundle il est 50, mais. Ah ouais, bon. C'est ça. Fait que... Voilà. Sinon, ben on a une chronique. Jean-Michel, tu nous as préparé quelque chose par rapport au... Si t'es pas trop fatigué, parce qu'il est quand même tard. Mm-hmm. Tu nous as préparé quelque chose par rapport aux rumeurs qu'on avait du iPad 5. Ouais, ben j'ai trouvé que dans les dernières semaines, on a entendu parler souvent là, du iPad 5 là, sur les différents sites. Fait que j'ai décidé comme de faire un résumé de ce qu'on savait ce qu'on croit savoir là, au sujet du iPad 5, qu'on va appeler comme ça parce qu'on sait pas comment il va s'appeler encore. Mm-hmm. Ça reste à savoir. Ça va être le nouveau iPad. Ouais. Non, nouveau iPad. Ouais. Troisième du monde. Mm-hmm. Junior. Donc, ça sortirait à l'automne 2013, mm-hmm. si on se fie à ce qu'Apple a fait avec les derniers produits. Apple a sorti deux iPads en 2012. En très peu de temps. La seule différence entre le premier et le deuxième qui ont sorti, c'est que le deuxième avait un port Lightning. Puis ça, selon moi, c'est... il fallait qu'Apple se trouve un prétexte, là, finalement, pour sortir un deuxième iPad puis changer son cycle de mise à jour des produits pour que tout soit à l'automne. Là. C'est vraiment tout ce qui est évident. Là. C'est la seule raison évidente, puis c'est sûr et certain que c'est ça. Il y a la puce aussi qui a été changée. Mm-hmm. Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens. Moi, j'avais pas réellement vu ça avec mon iPad, mais l'iPad 3 était le premier Retina qui est sorti. Et la carte, c'est-à-dire la chip qu'il y avait à l'intérieur, c'est le 5X, si je ne me trompe pas, mm-hmm. était juste correct pour faire rouler la résolution de l'écran. Ce qui fait que dès que tu allais dans des jeux qui étaient demandants, la puce n'était pas capable de fournir. Apple a eu beaucoup, beaucoup de critiques par rapport à ça. Puis rapidement, en poussant le fait qu'il y avait le nouveau port, ben ils ont mis le A6 dedans. Puis là, on est plus confortable à travailler sur ce. Mm-hmm. Mais c'est vraiment des mises à jour là, mineures, là, si on se compare à ce qui s'est passé entre le 2 et le 3 ou entre le 1 et le 2. Comparativement à beaucoup de gens, ils ont comme écrit, là, ils s'arrachaient les cheveux et ils disaient « Apple, tu m'obliges à jeter mon iPad 3 aux poubelles mm-hmm. aux minutes. » Personne qui t'oblige. Non, c'est ça. Tu le fais si tu veux. Là, j'ai considéré le faire à un moment donné, mais j'ai changé d'idée. Non, ouais. Pour différentes raisons. T'as été capable de faire ça? Waouh! C'est fou, le monde. Je suis obligé de jeter mon iPad, il faut que je le revende. Ben voyons, là, calme-toi. Mm-hmm. Moi, je l'ai revendu, puis j'ai calculé en fait que le iPad, je l'avais loué pour 7 mois ouais. à 11$ par mois. Attends par mois. Ouais. C'est ça. Parce que ça a quand même une bonne valeur de revente. Ben oui, clairement. Moi, à l'époque, j'avais iOS 5.1 jailbreaké sur mon iPad, puis il y a du iOS 6 venait de sortir, puis il y a du monde qui était prêt à me l'acheter juste parce que j'avais iOS 5.1 jailbreaké encore sur mon iPad. Ça va jusqu'à là, la valeur de revente. Là. Voilà. Sinon, ça fait depuis 2011 que l'iPad n'a pas eu vraiment là, de changement au niveau de l'apparence. Là. Le gros changement, ça a été entre l'iPad 1 et l'iPad 2. Oui. Les seuls petits changements mineurs, là, c'est l'épaisseur là, entre l'iPad 2 et l'iPad 3. Oui. La grosse rumeur présentement au sujet du futur iPad, ce serait que la forme prendrait plus l'apparence du iPad mini, donc que le contour de l'écran serait diminué, là, ce qui ferait que l'iPad serait physiquement plus petit tout en gardant la même taille d'écran. OK. Moi, éventuellement, je pense que le bezel, ils veulent s'en débarrasser. Ils ont la technologie pour faire que tes doigts soient pas reconnus par l'écran, mais on voit des mock-ups des fois. Qui enlèverait le frame? Un appareil sans frame, là, moi, je trouve que ça aurait du look en tabarouette. Est-ce que c'est utilisable? Ça serait gros. C'est à voir. Ça ferait une méchante écran. Non, il grossirait pas l'écran, il diminuerait, comme il a dit. Il diminue le bezel. Mais ça en prend un, bezel, parce qu'un iPad, c'est quelque chose que tu tiens avec tes mains par-dessus. Ouais. C'est pas quelque chose comme l'iPhone que tu tiens avec ta main par en dessous puis que là ça l'empiète pas sur l'écran, mais en tenant avec ta main par dessus tu caches une partie de l'écran, donc ça va prendre au moins un petit contour pour pas perdre là, toute la sensibilité, la sensibilité puis une partie de la superficie de l'écran, parce qu'il y a des affaires d'affichés partout là, sur l'écran. Sinon autrement ça, si, le reste des changements, ce serait surtout à l'intérieur. C'est sûr que il y a peut-être d'autres choses qui vont apparaître. Présentement, c'est ce qu'on sait. Le reste des changements, ce serait à l'intérieur. L'écran, on a entendu parler de peut-être un écran XO qui allait faire son apparition. C'est un écran qui est plus mince puis qui prend moins d'électricité. Là, fait que la batterie pourrait se conserver plus longtemps. Ou le trade-off, c'est d'avoir un processeur plus puissant qui va durer le même temps au niveau de la batterie. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec la batterie de mon iPad. Je suis capable de toffer peut-être 3-4 jours sur la même charge, même plus, là, dépendamment. Même, si Apple utilise un écran XO juste pour la batterie, là, ben, j'aimerais ça leur dire... Concentrez-vous sur l'iPhone, parce que le problème de batterie est sur l'iPhone et pas sur l'iPad. Ça fait longtemps que je l'ai, mon iPad 2. Je n'ai même pas noté que la batterie là, c'était, avait diminué ou quoi avait que diminué, ce soit. Là, autant pas de problème que ça. Puis on veut pas tant que ça. Je sais qu'Apple, c'est son dada. Là. Ils veulent faire le truc le plus mince au monde. Pis tout, pis... Mais t'es pas obligé là, d'enlever le 2 mm. Pis toute la non, kit, là. Garde une batterie qui a de l'allure. Au pire, rallonge la durée de vie de batterie. Les gens vont être contents. Mais... c'est quand même le dada de Apple. Là. Jonathan Ive, là, il rentre au bureau le matin et dit « OK, aujourd'hui, je vais enlever une slice derrière le iPad pour l'amincir un peu. » Là, comme il a fini, puis il est super mince, puis il dit aux ingénieurs « C'est votre trou, bastard. » Puis comme « Débrouille-toi. » C'est ça, la minceur, c'est quelque chose que les utilisateurs des anciennes versions vont remarquer, mais bon, on va le remarquer les quelques premiers jours. « Wow, c'est mince. Wow, c'est léger. » Mais après ça va passer... plus inaperçu. Une chose à propos des écrans XO, c'est Sharp qui fait ces écrans-là. Sharp est dans une mauvaise situation financière. Et il me semble qu'il y a une nouvelle qui est sortie que Samsung aurait acheté un gros stock, aurait eu une entente avec Sharp pour acheter un gros stock d'écrans XO, assez que Apple pourrait peut-être ne pas pouvoir en acheter, mais... il y a eu des investissements de part et d'autre des compagnies chez Sharp pour les aider à ne pas crever avant que ces trucs-là sortent. Donc, ces rapports-là, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si on peut les truster, mais ce serait un coup chien là, de la part de Samsung de faire ça. surtout qu'ils mettent leur écran AMOLED. Et moi, j'écris AMOLED, A-M-O-L-A-I-D-E. Donc, oui, c'est ça. Continue. Sinon, le reste des changements, ben, des affaires évidentes là, qui viennent souvent d'une nouvelle caméra, oui. Autant frontale qu'à l'arrière. Personnellement, demandez-moi pas de donner mon opinion là-dessus, je trouve ça ridicule. Mais quelqu'un qui prend des photos. En vacances, là, on en voit à chaque jour du monde qui traîne leur iPad pour prendre des photos. Ça me fait plaisir de passer un commentaire à chaque fois que je vois quelqu'un dans un lieu touristique avec son iPad dans les mains à prendre une photo. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ça peut devenir un appareil photo assez intéressant pour que ça prenne des photos de voyage correctes? Parce que pour l'instant, là, il n'y a pas beaucoup de photos moi que j'ai prises. Avec l'iPhone, un peu plus, là, parce qu'il y a deux, trois technologies supplémentaires. Mais un iPad, là, ça n'a jamais été vargeux. Ils peuvent mettre le meilleur appareil photo du monde là-dedans. Là. Mais là, tu as le choix entre un appareil photo Canon que tu peux mettre dans ta poche sans que ça paraisse, qui prend des photos 32 mégapixels, qui tourne des vidéos 1080p, ou bien sinon ton iPad qu'il faut que tu tiennes dans tes mains ou que tu mettes dans un sac, que tu n'as pas moyen de t'accrocher dans le cou, que tu n'as pas moyen de t'accrocher nulle part. Là. Qu'est-ce que tu vas emmener en vacances? Là? Le petit appareil photo Canon ou l'iPad? Ben, l'iPad reste que... le petit appareil photo Canon, quand tu arrives au restaurant le soir après ta journée à la plage, tu peux pas calmer les enfants avec. Ouais. Fait que ça devient une espèce de... papa veut lire le journal le matin, maman veut prendre des photos à la plage, le soir, on calme les enfants. Fait que ça devient un appareil à tout faire, puis à la grosseur qu'il a, ben, c'est un trade-off qui est intéressant. Mais il y a encore certains point-and-click haut de gamme, je dirais, qui sont intéressants. Mm-hmm. Des entrées de gamme, là, des appareils en bas de 200$, par exemple. Moi, je trouve que le iPhone les remplace bien. L'appareil photo du iPad, c'est plus le fait d'avoir un scanner à code-barre, de prendre une photo de quelqu'un. Faire du chat vidéo, là, puis là, regarde le paysage, là, tu changes la caméra. Là, exactement. C'est une bonne idée pour ça. Sinon, c'est sûr qu'on va avoir des commentaires négatifs quand l'annonce va être faite, comme à chaque annonce. Là. C'est comme inévitable là, du monde. Ah, ça vaut pas la peine de changer mon iPad 4 pour ça. Des gens qui ont des attentes là, que leur téléphone va s'ouvrir, devenir un hoverboard, projeter une interface là, à la Minority Report qui va pouvoir contrôler... Faut rester réaliste parce que c'est juste des rumeurs puis on sera jamais certain de ce qui va arriver là, avant que Apple fasse l'annonce officielle. Ça pourrait nous surprendre, ça pourrait nous décevoir, mais je vais juste dire que les Apple Store sont fermés présentement. Oh, ok, ben c'est probablement pour mettre en vente les billets demain. Comme à plusieurs fois la nuit, là, des fois ils font ça. Ouais. Excellent. Écoutez messieurs, il est presque minuit, ça fait quand même 1h37. Qu'on fait ça et on a encore 12 personnes dans le chatroom. On vous remercie beaucoup. 12 personnes, mais il faut enlever la gang de Mac Québec. On est 5 de Mac Québec dans le chat actuellement. 7 personnes. Merci les Irréductibles. On est bien content que vous soyez là. Vous pouvez toujours participer au chat. On aime bien ça vous entendre. Vous pouvez nous appeler. Au numéro de téléphone, le 1-877-561-2357. N'hésitez pas, comme Michel et comme Fred un peu plus tôt, à nous appeler. On ne mord pas. Non. Et puis, ça dépend. Là, si tu laisses un commentaire douteux sur la presse, ça se peut que je te varge dedans. Si j'étais Gabrois, ta maison brûlerait. Si j'étais Gabrois, là, je suis pas Gabrois, moi je brûle à rien. Si jamais aussi vous avez des questions à nous poser pendant la semaine dans une boîte vocale, vous pouvez qu'on pose le 1-877-561-2357, vous allez tomber sur notre boîte vocale, ça va nous faire plaisir de diffuser votre message en ondes ou bien d'y répondre personnellement. T'as-tu marqué la boîte vocale de Claude Poirier, là? Moi, j'ai jamais vu le numéro de téléphone de ça. Je sais pas qui c'est qui l'appelle là-dedans, là, mais peut-être qu'à Salut Bonjour le matin, là, il le donne, là, mais j'ai jamais entendu le numéro de téléphone. Il s'attend-tu... Je décroche, je parle à l'opératrice, je passe moi Claude Poirier, puis Je sais pas, apparemment, il y a des fugitifs qui l'appellent, des criminels pour confesser des meurtres, puis c'est Claude Poirier, là. Hey. C'est le Louise Deschâtelets. C'est Claude Poirier, puis Vidéotron, puis Québécois, puis tout ça, là. Hey, tu dois aimer ça. Tu remets pas ça en question. Tu dois aimer ça, toi, que PKP est rendu chez Hydro. Tu vas bien déménager de province, Chris. Don't start him on that. Moi, sais-tu quoi? Claude Poirier, là, je me souviens plus comment il s'appelait, le personnage. sais, dans les films d'Harry Potter, il y a comme le concierge de l'école avec le chat. Moi, je suis sûr qu'ils ont été séparés à naissance. Il est comme, c'est pareil, là, un vieux rabougri, là, comme, poète de vocal, là, les policiers, là, ils m'entraînent pas à faire notre métier. Jusqu'à. C'est comme ça qu'on va finir le show ce soir. Messieurs, où on peut vous retrouver sur les internets, Jean-Michel? Vous retrouvez sur Twitter au JM souligné Boily, ou sinon sur les différentes parties du site MacQuébec, surtout MacQuébec Entraîne. Je vais répondre à vos questions si vous avez de quoi écrire. Puis j'ai maintenant un site personnel qui est magnifique, en travail, jmboily.com. Excellent. JF, où est-ce qu'on peut te trouver? Moi, on peut me retrouver sur Twitter, @JFroy1979. C'est tout. C'est tout. Parfait. Pour ma part, vous pouvez me retrouver au Alex Cornelier sur Twitter. Vous pouvez aussi commencer à suivre le site, pas le site, mais le compte de ClickPom, ClickPom, et non pas ClickPorn. Trompez-vous pas. Non, mais le logo, il y a plein de monde qui, quand ils lisent, ils répondent puis ils disent « Hey, j'ai lu ClickPorn ». C'est toi qui l'anime, ça, hier, sur... C'est très drôle. C'est toi qui l'anime? Le compte? Ouais. Oui. En fait, on a un commanditaire, c'est Vidéo Sex Plus. Click Porn, Vidéo Sex Plus. Non, non, mais pas Click Porn, mais le compte Le compte Click Pomme, on est deux à l'animer, mais il n'y a pas grand-chose. Ah, on n'a pas mis grand-chose à date dedans. On est encore en train de chercher une ligne éditoriale pour ça. Et vous pouvez aussi rajouter à votre agenda en après-midi, probablement autour de 11h30 midi, qu'il va y avoir une diffusion spéciale du podcast MacQuébec pour la Worldwide Developer Conference. Tout ça va être le 10 juin. Sinon, on se retrouve le 8 mai. Voilà, vous pouvez ajouter ça aussi à votre agenda. Oui. Bonsoir tout le monde, et à dans deux semaines. Bye. Bye.